Salut, ici Frédéric Barbouchy. Avec Martin Boily. Et Mathieu Bouillon. De Pas de problème. Vous avez un problème, nous avons un broadcast. Oh, broadcast. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une soirée où les balado-diffuseurs se rassemblent avec leurs fans tout de suite après nos enregistrements, tous les deuxièmes mardis du mois, au bar Les Passages 951 Rachel Est. Et d'autres surprises. Sans sas! Et d'autres surprises! Mercredi 7 juillet. Je suis pas capable d'en faire one shot, hein. C'est... Ah bon, ok, on repart ça. Mercredi 7 juillet, 19h45. Bienvenue à l'épisode 22 du Geek Collectif. Mon nom est André Paquette et autour de moi ce soir, on a une équipe complète. Yeah! Hey, right! Ça fait longtemps. Tout le monde est là, hein? Tout le monde est là. Attends, on va compter. Oui, on est tous là. Fait que les vacances sont finies. Tout le monde a passé du bon temps. Oui. Ouais. Je vais pouvoir aller prendre les miennes maintenant. Là. Ouais. Jamais. Moi, avec, dans jamais. Le fond, j'ai des vacances en octobre, genre, c'est comme hier. Octobre? Ouais. C'est quand ouais, t'es le dernier au bureau, là. Ou... Ouais. Ou le gars qui laisse tout le monde prendre ses vacances avant puis qui est prêt aussi, à partir. Là, ouais. Il y a moins de monde partout aussi. Que mois de juillet, des fois, peu importe ce que tu fais, il y a du monde. Ben moi, c'est surtout parce que j'organise la marche de zombies. Fait que le dernier sprint dans semaine de, la dernière semaine du mois, c'est assez important. Genre, fait que... Donc, pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, nous sommes le Geek Collectif, un podcast qui vous fait découvrir la culture geek par l'entremise de la réalité de ses collaborateurs. Et donc, oui. Ce soir, ce qu'on va faire, c'est comme chaque épisode, on va commencer avec un tour d'actualité. Puis ce qui est le fun, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas vu tout le monde ensemble, fait que ça va être le fun de gérer les débordements. Je suis d'accord avec toi, André. Un peu de job. On a pratiqué un peu notre gestuelle avant le début de l'enregistrement. Peut-être avant ça, par contre, je voulais mentionner, vous allez remarquer, avant la chanson thème, on a les gens de Pas de problème qui vous invitent mardi prochain à 22h au broadcast. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir sur le chat que quelqu'un nous a fait remarquer qu'on est le 7 août et t'as dit le 7 juillet depuis tantôt. Bon, c'est bon à savoir, ça a été réglé là. Nice. Que, je travaille pas assez, je pense. C'est juste ça. Bon, ben regarde. Ça me fait rire, fallait que je te le mentionne. Ben, ça me fait rire moi aussi et m'humilie aussi par la même occasion, mais c'est pas grave. Ça a l'air que c'est divertissant pour les auditeurs, ouais. Donc puis, tout va puis, bien. C'est le 12 août si tu nous écoutes. Puis ça va être le 12 août si tu nous écoutes. La date a vraiment pas d'importance finalement. Je pourrais la couper. Puis, C'est intemporel un podcast. C'est intemporel. Exactement. Mais par contre, le 12 août. Non, oui. Le 13 août. Vous ouais, mélangez avec vos dates là. Le broadcast. Non, mais 12 août, le 13 août, 22h. J'ai oublié le bar par contre. Je fais le vraiment cheap. Pas perdu. C'est un bar sur Rachel. Il est pas perdu. Le bar Les Passages au 951 Rachel Est, ouais, c'est ça. Québec H2J4. Fait qu'à ce moment-là, on vous invite à venir. Dans le fond, il va y avoir les gens de Pas de problème. Il va y avoir nous, les gens du collectif aussi également, qu'on va être là-bas. Puis c'est un événement, dans le fond, c'est simple. C'est venir rencontrer les balado-diffuseurs du Québec. Et boire de la bière. Et boire une bonne bière à toute la gang ensemble. Fait qu'on vous invite pour les gens que ça leur tenterait de venir rencontrer. Qu'est-ce que t'as, Milter? T'as l'air de vouloir dire ben de rien, quoi? Non, non, okay. Pas à ben, regarde, on va te forcer à dire de quoi pareil? Ça. Tu vas me parler c'est de ton actualité, mon homme. OK, c'est bon. J'ai pas fait grand-chose la semaine passée. Il dit tout le temps que... ça. Non, mais c'est j'ai eu des petits drames personnels dans ma vie, là, puis tout, des funérailles d'un ami proche, puis tout, fait que ça m'a comme coupé un peu le goût de jouer. Puis, en plus, excusez de faire ma Debbie Downer avec ça, là je commence à être correct. Puis en plus, j'ai déménagé. Fait que merci André qui est venu m'aider en passant. Les ça autres, fait plaisir. On voit aussi qui les amis dans la gang. Je peux-tu expliquer quelque blessé. Chose, par exemple, de ton déménagement que je trouvais vraiment le fun? Vas-y fort. Mais ça explique un peu les circonstances du déménagement, tu sais. que la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la maison? Bon, ouais, ils vont démolir l'ancienne place où j'habitais. Pour les gens qui ont déménagé au moins une, deux ou cinq fois dans leur vie, la maison de Milter, l'ancienne demeure, se fait démolir. La joie de pouvoir déménager, puis ce que tu veux pas amener, c'est la laisser fou. Dans la maison, ouais. Là, ça, là, c'était incroyable. Ah, ça, non, déménagez pas, laissez-les là, c'est pas grave, ils vont faire quoi? Dans le coin, là, ils vont démolir, tu sais. C'était plaisant. Ils rentrent avec le bulldozer, de toute façon, fait que et voilà. C'est ça. Mais merci d'être venu m'aider. Mais là, comme encore, justement, je suis pas connecté, toutes mes affaires, toutes mes boîtes commencent à être défaites, mais je mets mes consoles à la fin, comme ça, ma blonde chiale pas, ou peu importe, sur le fait de ça, fait que... Là, je vais plugger ça bientôt. Mais vu que j'ai ma 3DS, puis je peux jouer pas mal n'importe où. J'ai pas mis un petit jeu. Non, j'ai pas joué à Pokémon. J'ai un autre jeu. Puis j'ai remarqué qu'il y a bien du monde qui en parle, c'est en site. Même que je te dirais que j'ai découvert ce jeu-là dans un autre podcast. Parce que la personne avait dit, puis ça m'a touché comme genre de description. Elle avait dit, et je cite, « Pour 2$, si t'as un 3DS pis t'as pas ce jeu-là qui est Gunman Clive, t'es vraiment un cave. » Fait que là, c'est moi, direct. Je m'ai dit... Voilà, ben c'était assez direct. Hein. Fait que c'est Joël Martel qui a cité ça, genre, que je cite présentement. Fait que là, moi, j'ai dit... je m'ai dit que je veux pas faire partie de la démographique de cave qui ont une 3DS pis qui ont pas ce jeu-là, tu sais. Fait que j'ai dit, c'est 2$. Je vais aller l'acheter. Pis c'était écœurant, parce que c'est comme Mega Man, le contrôle, mais c'est un cowboy à la place. C'est un le bonhomme, tu sais, mais ça joue pareil comme un vieux classique de Mega Man. Il y a quelques petites modifications, genre les armes, c'est un peu à la Contra, dans le sens où tu pognes une arme, t'as un triple shot ou une des balles qui homing missile, là, genre, si on peut dire. Mais, tu sais, c'est pas bon un boss, tu prends son pouvoir ou quelque chose, là, mais ça joue comme Mega Man, les armes de Contra. Puis c'est vraiment cool. Moi j'adore Mega Man. Puis pour 2$, là, ça vaut vraiment la peine. Puis je joue à ça. Il dure-tu bien longtemps? Ça ressemble à quoi? J'ai pas fini encore. Puis j'ai un bon 2 heures mis dessus. C'est pas beaucoup, là. Mais il y a pas 2$. 2 heures à date, pas, là. Il vaut à peine. C'est vrai que ça vaut à peine là, pour le prix. Là. Puis je suis sûr qu'il est long, là, parce qu'il a de l'air à continuer pas mal encore, là, mon affaire. Fait que, en tout cas, je suggère à tout le monde d'acheter ça. Puis sinon, j'ai vu un film, c'est Zombie Hunter, film qui a passé à Fantasia présentement, ben pas présentement, mais dernièrement. Mm-hmm. Puis c'était avec Danny Trejo, je sais pas comment on le dit. Trejo. Nick, t'es-tu? Trejo. Trejo. Trejo. Fait que c'est ça, moi en tant que fan de zombies, un titre de film comme Zombie Hunter... Puis la pochette, un peu trash, un peu vieux look. Ouais, mais ça faisait genre Grindhouse. C'est ça, le très, très Grindhouse. Je pouvais pas m'empêcher de voir ça. Fait que je l'ai regardé. C'est... Ouais, Eric, c'est quoi? Non, c'est juste pour dire que c'est un Kickstarter, ça. On va aller à ça plus tard. C'est un Kickstarter pour de vrai. Oh, ça, là, ça l'a pas, par exemple. Moi non plus, tu vois, gars, c'est... Mais... Gars, là, tu me dis ça, puis peut-être que ça explique bien des affaires. Parce que, sérieusement, j'ai été un peu déçu, mais je suis habitué aussi à être des fois un peu déçu. Dans le business. Il y en a des mauvais. C'est de la pochette, genre du cover qui attire l'œil, qui donne tout ce que. Tu sais, il faut un bon graphiste et non un bon réalisateur de film. Puis il y en a plein. Combien de films de même. Là. Tu vas au club vidéo, là, comme toutes les pochettes tu sont belles. Tu fais comme, hey, ça ressemble à tel film, genre, qui était vraiment bon, puis c'est exactement une copie de la pochette, comme tu dis. Puis ça, mais il y avait tous les éléments pour, en plus de Danny Trejo, là. C'est comme, tu sais, tu fais comme, ouais, j'aime bien Machete, j'aime bien, tu sais, tous les films qui est dedans, tu fais comme, ah, yeah, il est là, tu sais. Puis c'est tout le temps quelqu'un que t'es content de voir dans un film, puis il y a un underground fanbase, pareil, là, le gars, là, faut se le dire, là. Puis, sérieusement, j'ai été déçu par le résultat. Ah il y a beaucoup de CGI mal fait. Ouais. Fait que pour ça, je suis déçu. Puis, tu sais, du CGI, pas comme, je sais pas si vous avez vu Zombie Strippers. Oui. Le CGI, il est pas super bon, mais c'est du CGI de, il tire une balle dans la tête avec, mettons, le gun à bout portant, puis tu vois juste un splash fait au CGI, tu sais. Puis, ça, il s'en sort bien, si on peut dire. Mais là, c'est un CGI à la... Il y a un gros zombie qui devrait être dans Resident Evil qui est mal fait, genre. Parce que c'est ça que j'ai trouvé plate. Moi, j'aime pas les films de zombies à la genre stéroïdée, là, à la Resident Evil. Là. Ils ont-tu mis un filtre du genre pour que l'image agriche un peu par-dessus ça, pour que ça ait l'air moins CGI fake? Ouais, ben il y a un genre de quelque chose sur l'image souvent. OK. Puis quand il y a des gros bouts de slashing de zombies, comme justement le bout de Danny Trio, parce qu'il est pas là tout le long du film en plus, là, c'est vraiment un quasiment un caméo. Ils là, ont mis sa pochette pour vendre. C'est exactement ouais. ça. Là. Fait que pendant 1h15, 1h30, peut-être, il y a 15 minutes là-dessus que tu le vois. Il fait un petit speech aux autres. Il parle de quelque chose. C'est un prêtre. Il sort une hache. Puis tu vois des montages avec de la musique genre industrielle fuckée que j'aime d'habitude. Là. Je trouve que le choix de musique est pas tout le temps bon, mais c'est le style de musique que je t'ai attiré d'habitude. Puis en tout cas, c'est comme un petit montage, boum, il se fait tuer d'une shot par le gros zombie stéroïdé. Puis j'ai resté déçu, en gros, là, c'est... On le loue-tu pareil? Est-ce qu'on lui donne une chance? Si t'es un fan de films de zombies, faut que tu le voyes. OK. Mais attends-toi pas à du gros personnage profond, puis de l'effet cool, ou même du gore, là. Genre d'affaire, bien vite, que je veux dire, là. Il y a une fille aussi, puis tu fais tout de suite, ah, c'est la fille qu'on va y voir, ses grosses boules. Passer le classique rôle, scénario, petite camisole, grosse boule, puis il y a plein de lignes dans le scénario que ça montre que, oh, on va la voir tout nu, genre, puis oh, non. Fait qu'ils te font comme un teaser avec ça, je trouve ça drôle, mais pendant 1h30, tu t'attends à voir la fille tout nu, puis t'avoues pas pantoute. Tu sais, fait que c'est comme. Pendant 1h30, tu t'attends. Pendant 1h30, il y a tout le temps des lignes là. Non, mais il y a tout le temps des lignes ou des affaires qui se passent dans le film que tu penses vraiment que ça s'en vient à ça, puis non. Tu sais, fait que c'est juste du gros tease tout le long. C'est pas super bon. Loue-le pour les fans, mais si tu tripes juste un peu film de zombie ou t'es curieux, là, passe ton tour, là, loue un Romero à la place. Fait que Gunman Clyde. Gunman Clyde, c'est $2 sur 3DS. Puis Zombie Hunter avec Danny Trejo qui est à Fantasia, qui va sûrement arriver en club vidéo. Ouais, ça sort en DVD en octobre, je pense. Pour la période de l'année de zombies, ça. Ouais, Noël, tout le monde sait que c'est une grosse période pour les amateurs de zombies. Rick. Oui. De quoi tu nous jases cette semaine, mon gars? Ben moi, j'ai eu la chance un peu d'être, comment je pourrais dire, dans le nord Ontario à rien faire pendant une semaine. Okay. J'ai eu le fun d'aller visiter la famille. Puis, tu sais, je passe ma semaine là-bas à relaxer, à juste jouer des jeux vidéo, plus ou moins c'est ça que je fais, là, pendant que je me fais gâter par ma maman. Je t'aime, maman, si tu m'écoutes, j'en doute. mais mis à part du fait que mon laptop que j'avais, j'ai essayé de jouer à Civilization 5, parce que j'étais un gros tripeux de Civilization 5 de ces temps-ci. Puis malheureusement, je pouvais pas jouer parce que mon ordinateur était pas assez fort. Je jouais en mode stratégique, mais c'est vraiment pas le fun. C'est comme une game de Settlers of Catan, crissement trop compliqué. Puis je voyais pas bien, fait que j'essayais de trouver d'autres jeux à jouer. Puis je me suis dit, Chris, j'ai le temps, je vais essayer Minecraft et essayer d'embarquer dedans pour la première fois. Parce que ça fait depuis que le jeu, j'ai toujours mis des 15-20 minutes dans le jeu depuis qu'il est sorti pour voir c'était quoi, voir si je m'embarque dedans. Mais calice, j'ai embarqué dedans. Puis ça a mordu en crisse en plus. Là. Minecraft, c'est sorti quand ça déjà? Il y a bon deux ans, je pense. Les Alpha, c'était 2010. Okay. Les Minecraft, c'est presque deux ans. Ouais, ouais, c'est mainstream. C'est 2008, là, 2009. Deux ans, je pense. 2008. Ben, je sais que les Alpha, ça a commencé un bout de temps. Mais c'était. En tout cas, moi, je capote au bout sur le jeu. C'est comme. Tu sais, quand t'es kid, là. Moi, le trip que j'ai commencé à vraiment réaliser avec, tu sais, je tripais à faire des cabanes en boîte ou des cabanes chez nous. Puis là, je peux faire. Tu fais ça vraiment à l'infini. Là. C'est vraiment là, écœurant. Toi, t'as déjà joué, André? J'ai déjà joué. Là, surtout à cause de mon gars. Là, il m'en parlait, ses amis, il jouait, il voulait jouer. Je me dis, moi, avec, je veux jouer un peu, mais j'étais pas prêt à. Non, à moi, payer au début. Là. J'ai eu plein. Moi, avec Minecraft, j'ai eu plein d'étapes. C'est en constant changement. Hein? Fait que moi, le jeu que j'ai joué puis le jeu que mon gars joue aujourd'hui, parce que j'ai abandonné il y a quasiment un an, là, je te dirais, là, totalement différent. Là. Il y a des nouvelles affaires tous les jours, quasiment. Puis, Ben, c'est parce que tu as des mods. Ça que j'ai appris, là, c'est qu'il y a bien des mods que tu peux télécharger, tu peux changer les graphiques et tout. Mais moi, c'est parce que pendant des années, là, juste pour en venir, là, au début, je jouais le jeu, je comprenais rien. J'étais comme Chris, c'est plate, ok, je comprends. Je ramasse de la terre, puis je peux la replacer, puis j'étais comme c'est poche. Mais t'étais free ou... Ça, là, je parle du Alpha, là, longtemps passé. Ouais, ben même là... Puis là, je jouais, ouais, mais je jouais des versions que je téléchargeais juste pour voir c'était quoi. Là, okay, j'avais pas 10$ parce que moi... Non, mais j'ai... fait que tu jouais mode libre, il y a pas de bébites, si on peut dire, qui t'attaquent. Il y a les bébites qui viennent la t'avais nuit. T'avais illimité, tu choisissais ton creepers. Bloc. Puis c'est ça, t'as un cycle de jour et nuit. Puis mais fallait-tu que tu récoltes ou t'avais juste ton inventaire infini? Ben c'est ça, je vais le dire. Ah, c'est, okay, t'as les... Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, c'est... Tu découvres au début, comme ce que j'avais pas compris, c'est que moi au début je comprenais pas du tout c'était quoi le jeu, puis après ça j'ai découvert justement que c'est la récolte, okay, c'est le ça. Crafting, c'est quand tu joues à World of Warcraft par exemple, là, tu fais le crafting, mais Minecraft c'est juste du Christy de crafting, puis c'est le fun au bout à faire ça, mais moi je m'occupais plus à faire des grosses mines qui creusent, mais au début je jouais toujours 5-10 minutes, ça c'est pas, j'allais jouer d'autres jeux. Ouais. Là, parce que j'ai joué des jeux free que j'avais sur Xbox Live Arcade, là, t'as les indie games, je jouais les versions gratuites de ça, juste pour pogner, je cliquais pas. Puis là, cette semaine, j'ai cliqué, j'ai joué pour facilement 25 heures, là, j'ai bâti des grosses maisons, des mines qui creusaient au fin fond de la terre, je cultivais, j'upgradais mes haches, mes pelles, des épées, je m'attaquais, en tout cas, j'ai ouais, vraiment... Tu peux te défendre des creepers, hein, je pense. Oui, oh, oui, au début, j'arrêtais pas de mourir, tu peux aller en fait. Tu aussi, tu peux te faire une maison, tu te mets un lit dedans, puis quand la nuit arrive, tu fais juste skip, puis tu t'en vas te coucher dans ton lit. Oui, exactement. Ah, tu peux faire ça, je savais pas ça du construis tout. Construis ton lit dans la maison, puis la nuit, va te coucher. Ah, mais c'est cool. En tout cas, j'ai tout ça quand, pour dire... Quand tu veux faire de la récolte puis du building, là, je parle, là, fais ça. Si tu veux attaquer puis avoir des affaires de creeper, vas-y fort, là, tu sais, mais... Ben, je vais faire ça. Ouais. Mais j'ai vraiment commencé à jouer à ça, là. C'est pas mal ça, ma nouvelle. J'ai plein d'autres choses. J'en ai une autre nouvelle, mais je sais pas comment est-ce qu'on va y approcher, cette nouvelle-là. Je sais pas si t'as des suggestions, si on peut faire... Moi, je suis prêt à sauter à la prochaine personne pour que, aussitôt que quelqu'un parle de ça, parce que c'est ça que je veux parler d'honnêtement. Ben, écoute, moi, ce que je suggère, c'est vu que c'est un sujet probablement connexe à Nick, tu peux débuter. Ouais. Puis Nick, si t'es à l'aise avec ça, bon, on va empiéter un peu dans ton temps, puis tu renchériras le sujet. Là. Ouais, ben, garde-toi, là, garde ton... At World's End hier. At World's End, oui, oui. The World's End. Oh, my voilà. God, c'était le fun, ce film-là. Ça fait longtemps que j'ai... En tout cas, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un film à une première de ce genre-là, là, où t'avais vraiment le... La foule écœurante de Fantasia. Je suis sûr que les gens qui connaissent Fantasia, on connaît les foules. Ouais. Mais cette foule-là était vraiment électrique. C'est jamais pareil à Fantasia que ouais. N'importe quel autre cinéma. C'est ça. J'ai déjà vu des moments de même à des premières. Ouais, il y a certains films, des films plus cultes vraiment, là, comme j'imagine des Star Wars, des affaires de la même. C'était les Star Trek. Moi, j'allais toujours aux premières de Star Trek depuis que j'étais un kid. Ben, les premières à partir du 5, là, ça dit pas grand chose, mais j'avais 12-13 ans quand le 5 est sorti. Mais ça, c'était t'allais aux premières de ça, puis t'avais plein de fans de Star Trek et tout, là, puis c'était écœurant, puis le monde cheerait. Ouais. Mais là, t'as des festivals complets où est-ce que tu peux faire ça, puis hier, c'était l'exemple parfait. On avait Edgar Wright qui était là, on avait Nick Frost pour introduire le film, pour aussi faire un petit Q&A à la fin. Mais my God, ce film-là, là, en tout cas, le Cornetto Trilogy est fait. J'ai vu mon Cornetto. Il nous a fait attendre longtemps pour le Cornetto, mais on l'a vu. Ceux qui sont fans de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, c'est comme ça. Moi, je suis un fan, mais je ne catch pas le côté trilogie autre que le fait que c'est ces trois films qui veut tourner de la même façon. Mais c'est vraiment le Cornetto, il est dans les trois films. Ça, c'est une joke. C'est juste pour ça, genre, non. Tu appelles ça de même? Non, c'est aussi un test de genre. Fait que le zombie flick, t'as le buddy cop flick, puis t'as aussi le sci-fi horror end of the world flick. C'est juste eux qui s'amusent à faire des comédies. Mais t'as des styles, mais tu peux faire n'importe quel style de flick avec eux autres, puis juste rentrer. Ouais, non, c'est vrai, mais ça c'est les trois, c'est la gang de Space là, c'est la qui gang qui voulait faire ça. Puis c'est aussi, il y a des similitudes, comme t'as toujours une scène de clôture. Il y avait beaucoup de... Moi, ce qui m'a fait triper hier, c'est que t'avais beaucoup d'insight dans The World's End. Qui était, mettons, dans les autres films. Tu sais, à un moment donné, t'as la petite machine d'arcade quand ils sont dans un bar qui était dans Shaun of the Dead. Oui. J'ai juste entendu la toune partir, puis j'avais un petit sourire. Puis c'est beaucoup. Tu sais, c'était cool c'est en plus parce que tu vois l'évolution. C'est inside, le lien plus que. Ben oui, mais c'est carrément pour eux autres. Le Cornetto Trilogy, c'est eux autres. Puis le pire, c'est un running gag. Tu peux pas dire non plus à quelqu'un, hey, je n'ai pas vu Shaun of the Dead, écoute pas Hot Fuzz. Non, c'est pas écoute-les pareil. Ben, tu peux l'écouter. Je suis déjà de regarder. Si t'es pas regardé les trois, de regarder. T'as pas vu Shaun of the Dead? Non, écoute Shaun of the Dead. C'est sûr qu'il y a tout le temps des petits insides de film en film. Mais c'est des bons films. Tu seras pas perdu si t'es écouté. C'est ça, exactement. World's End, c'est un film d'action, coming of age, middle-aged man, avec des scènes de combat hallucinantes. Ben, c'est les mêmes scènes que dans Scott Pilgrim qui avait déjà ça a le même feel que Scott Pilgrim et aussi ça m'excite pour Ant-Man puis toutes ces choses-là. Puis en parlant des similitudes, là, moi pendant le Q&A à la fin, qu'est-ce que j'avais trouvé hot, c'est que c'est parce que moi je l'avais remarqué aussi, mais t'as Timothy Dalton qui est dans Hot Fuzz, t'as l'autre band Pierce Brosnan qui est dans le nouveau. Puis là, il y a quelqu'un qui a posé la question, tu sais, est-ce que vous avez fait pas exprès pour avoir des bonnes puis tout ça, mais comme pourquoi vous n'avez pas dans le premier? Puis j'aurais aimé ça que Simon Pegg soit là. Mais Edgar Wright, il dit, nous autres, parce qu'on veut qu'il y ait le lien d'avoir un James Bond dans chacun de nos films. Puis la seule manière qu'on peut faire ça, c'est que quelqu'un de Shaun of the Dead soit le prochain James Bond. Puis on vous confirme à soir que Nick Frost va être le prochain James Bond. J'ai trouvé ça vraiment une petite bonne joke. Là. Mais il pousse vraiment Nick Frost comme un action star. Là, puis je serais même pas surpris de le voir dans Ant-Man, lui-là. Là. En tout cas, moi, je dis ça de même. Nick Frost, moi, c'est parce qu'il me surprend, parce que tu sais, il a pas le gabarit d'une grosse vedette d'action. Il a fait toutes ses stunts dans le film. Il fait toutes ses stunts, puis les batailles sont vraiment bien faites. Excepté quand il a sauté là. À travers de la fenêtre. Il y a une scène où Nick Frost sort du port puis il saute à travers une petite fenêtre dans le bar. Quand il recommence à boire. Ouais, après qu'il est sous. Attention, spoilers, guys, par exemple. Mais c'est plus drôle dans un sens, c'est con à dire, là, mais la plupart des acteurs gros, physiques, drôles à la Chris Farley, si on peut. Je sais que c'est pas la meilleure comparaison là, à Nick Frost, là, mais tu sais, côté gabarit un peu, surtout dans les débuts, il était plus. Nick Frost, il a l'air un petit peu plus sérieux. Ouais, mais je parle pas le style du mot, mais le gabarit un peu, là, on s'entend que c'est tout le temps drôle là, quand il fait sa propre cascade, ça a l'air plus réel qu'un gars professionnel, puis c'est ça qui est drôle de voir le big dude passer au travers de la fenêtre. Là, puis... D'accord, mais Nick Frost, il est très sérieux. Ouais, ouais. Ça a l'air qu'il est très réservé. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est cool en plus, c'est que ça, c'était la première canadienne, mais on va inviter les gens, je pense. Non, la première mondiale. Oui, c'est vrai, il nous a corrigé. Ils nous ont confirmé mondiale, que c'était la première mondiale, puis fallait qu'on imagine ça comme la première mondiale. Fallait qu'on fasse comme la première Edgar mondiale. Edgar Wright lui-même l'a dit. Mais en gros, ça sort le 23 août. Puis allez voir ça, honnêtement. Prenez votre argent, courez au cinéma normal, achetez des billets. Je vais y retourner. Allez voir ça. Ça moi tombe aussi, bien, j'ai retourne. Des petits billets que j'ai eu en cadeau pour le cinéma de ma maman. Puis, tu vas pouvoir te gâter ça aller voir. Mais toi, Nick, dans le fond, là, on l'a vu les trois at World's End, oui. The World's End. This is the end? Non. Ouais, c'est ça. Mais je pense tout le temps à. Toi, dans le fond, Nick, t'es allé voir un autre film aussi. J'étais allé voir vendredi passé, j'étais allé voir Chucky 6. Oui. Le seul nom? Ils ont vraiment fait 6. The Curse of Chucky. The Curse of Chucky. Mais c'est le sixième de la série qui. Étonnamment, j'ai trouvé ça vraiment. Ben, moi, je les ai tous aimés, les Chucky. Ouais. Mais, tu sais, je pense que. J'étais un fan, moi, avec. J'ai... Tu sais, les derniers, il y avait The Bride of Chucky puis The Seed of Chucky avec son fils. C'était plus comme des jokes. Là, lui, ils reviennent vraiment comme aux sources du premier, qui c'est un peu plus sérieux. C'est un reboot? C'est pas un reboot. Il explique un peu l'origine de le gars du premier qui fait du vaudou whatever quand il rentre dans Chucky. C'était là, nowhere pareil ça. Ouais, c'était nowhere, mais là il explique un peu d'où ce qui vient, d'où ce qui sort ce gars-là. Pourquoi qu'il fait du vaudou dans le fond. Puis ouais, puis c'était super cool. Puis qu'est-ce que je trouve cool dans ce film-là, c'est que c'est le même director qui a tout fait. Puis dans les films d'horreur, c'est rare qu'une franchise... Même. Quand même, qui sont rendus à 6. Pour de vrai, c'est le même gars qui a fait les 6. C'est pas Mancini ou... C'est Don Mancini. Mais il a fait le premier, il avait 20 ans, puis là, il a 45 ans. C'est le 25e anniversaire de Chucky. Là. Ça, c'est cool. Il a fait le premier quand il avait 20. Ouais. Puis là, mais le seed of Chucky... Ils ont tous fait les autres, puis là, il a fait le dernier, qui est le 6e, puis 25 ans plus tard, il trippe encore sur sa poupée. C'est cool, ça, pareil. Okay. Fait que ça, je trouve ça très cool, parce que ça, dans les films d'horreur, souvent, des fois, le 1 et le 2, ça va être le même, puis après ça, c'est comme... Y a-tu fait d'autres choses, le gars? Son nom me dit rien. J'imagine, mais... ben moi... c'est vraiment, je pense, c'est Chucky qui l'a lancé. Son big. J'imagine qu'il a fait d'autres choses, qu'il n'a pas juste fait 6 films en 25 ans, mais ça se peut aussi, mais je ne suis pas. Mais le dans le fond, c'est le même gars, mais c'est pas les mêmes compagnies, parce que me semble que Seed of Chucky, c'était genre MTV au bout, ouais, là, puis plein de jokes. Cheesy de comme là, ben lui, The Curse of Chucky, il a passé à Fantasia, mais sinon, c'est un direct en vidéo. Il sort le 8 octobre en DVD et Blu-ray. Puis écoutez, moi, j'ai trippé. Là, comme, c'est quoi que t'as aimé le plus dans le film? Ben, j'ai hâte de le voir. Je suis revenu vraiment comme plus au sérieux. Puis, Wow! Hein? Plus au sérieux? Ben, ça se prend. Ça se déconne moins. C'est okay. Ça reste quand même une poupée qui tue du monde. Fait que dire que c'est sérieux, ok, ça peut être un petit peu. Ouais. Mais. C'est pas du cheesiness. C'est moins comme des jokes, tu sais, comme The Bride of Chucky, c'était comme, ok, là. Moi, ouais. J'aimais ça quand même, j'adorais ça, sauf que c'était plus une comédie. Là, dans lui, ça revient un peu plus dark. Puis, le gore, il est bon? Le gore, il est bon. La poupée a changé un peu, là. Il est comme peut-être. Le CGI s'est amélioré, fait que a changé un peu de look, mais ça. Il y a du CGI Chucky. Pour Chucky, ou Chucky est en CGI? Dans lui, je suis pas mal sûr que oui. Là, c'était pour l'animation. C'est cool. Mais ouais, c'était très cool. Écoute, ça reste fou que tu sois fan d'une poupée qui tue du monde. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ceux qui ont aimé le premier, entre autres, ils vont sûrement triper sur le dernier parce que c'était. Écoute, moi, j'étais un fan fini. Cool. Dans le fond, si on est fan de Chucky, on va écouter Chucky. Le dernier, c'est quoi? C'est The Curse of Chucky. The Curse of Chucky. C'est quand qui sort en DVD, t'as le dit? Le 8 octobre. 8 octobre, ok, c'est cool. Bon, ben cool, merci Nick. Sinon, ben. Sûr, j'achète ça. Je disais toutes les jours. Fait. Je suis allé propager les messages de paix et d'amour sur Spotted, comme d'habitude. C'est pas mal ça. Mais t'as combien de groupes bannis, là? Jesus. 4 ou 5. Good, lâche pas. Le nouveau, c'est Spotted Suis-je normal et Spotted Valleyfield. C'est les deux trending. Valleyfield, je pense que je n'ai participé à un là, qui a comme duré pendant 2 jours. Je pense qu'il y a encore du monde qui pose dessus. Il taillisse là-dessus. La fille qui tombe enceinte dans les toilettes chimiques. Derrick Lapointe. Pas Derrick Lapointe, Derrick Lapointe. Oh boy. OK. Mélanie. Bienvenue parmi nous. Oui, merci beaucoup. J'ai eu des belles vacances. Ouais, en Floride. J'ai vu plein de belles choses. Tu as vu Mickey Mouse? Non, j'ai pas été à Orlando. J'étais à Fort Lauderdale. Okay. Fait que j'ai pas vu Mickey Mouse, malheureusement. J'aurais aimé ça le voir, Mickey Mouse, mais on n'avait pas le temps. Donc, c'est ça. Mis à part les vacances, en passant, il y a une boutique Lego vraiment cool au Adventure Mall en Floride. Une grosse boutique Lego. Lego. Avec un mur entier de Lego à l'unité que tu peux t'acheter. Tu peux remplir un sac comme des bonbons. Genre, des Lego à l'unité. Ouais, ça, l'unité. Ça doit être cool. Ça. Un peu comme vraiment bien boutique. Wow. Comment? C'est un lieu à Times Square un peu? Ou? Sûrement, oui. Ouais. Mais c'est-tu genre séparé par, mettons, une pièce verte, tel vert, un bac juste de type, puis ouais. Tu te prends des... Ah, oh, ouais. C'est un gros bac de Lego vert de la même pièce, un gros bac de Lego jaune de la même pièce. Des bonhommes, genre, pas vierges, mais genre des bonhommes qui traînent dans des bacs que tu peux... acheter, tu t'ajoutes mais... tes pantalons, genre t'es... comme c'est des. Ça, ouais. Dans le fond, c'est chaque ça. Morceau en vrac. C'est ça, c'est en vrac, c'est ça. Yeah. T'as des gros bacs, c'est comme des gros globes coupés en deux, puis les Legos sont là-dedans, tu piges là-dedans, puis comme prendre une grosse poignée, c'est vraiment cool. Ça doit être malade. Puis il y avait juste des Legos de Star Wars, de Lord of the Rings, parce que c'est le gros buzz des Legos en ce moment. Puis les autres, je connais pas, c'est une affaire de kid. Machina, Ninjago. Moi, les machines. Il y avait du Ninjago, puis il y avait du Machina. Machina, ouais, c'est des robots, genre, mon gars. C'est les 4 seuls genres de Lego qu'ils vendaient, sinon ils vendaient des classiques. Ils vendaient aussi. Trips Ninjago, c'était assez, mais c'est ouais, la non, grosse mode, ça. Ça, pareil. Là, grosse c'est mode fou, partout, les Lego. Kids avec des Lego qui se battent. Ils font du cash, en tout cas, même avec ça, sérieusement. Puis, vite, comme ça aussi, j'ai vu un R2D2 format. Nature, grandeur nature. En Lego. Ils se vendaient, ouais, 200$. Ils que tu fais l'acheter puis tu fais le bâtir. Attends, ouais. C'est 200$? Oui. C'est pas si bien, mais c'est tout. Il faut le Dead bâtisse. Star se vendait 400$, par exemple. Ah, puis le Dead Star, tu mets ça dans ton salon, puis le monde va faire. C'est quoi ça? R2D2, n'importe qui non, dans le salon. Ça, il est vraiment ça. Cool. Le R2D2 était 200$. J'ai fait, j'en regrette de pas Star, l'avoir acheté. Il doit être tough à tenir. Il est rond. Ah, c'est rond. Mais il aura une base, là. Ouais, mais. J'ai une question même. Les Lego Marvel, t'en as-tu vu? Oui, il y en avait des oui, Lego Marvel, là-bas, c'est vrai, j'en vois pas ici. Oui, il y en avait des Lego Marvel, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'Iron Man, il y avait beaucoup d'Avengers, puis tout ça. Mais non, ça c'était une petite parenthèse en passant que j'ai vu, j'ai vraiment trippé. Je me suis même acheté un petit porte-clés. Hey, non, c'est vrai, les Lego Teenage Mutant Ninja Turtles, il y en avait plein. Quoi? Ouais, des Lego TMNT. J'entends le son de ta carte de crédit se loader. Je me suis même acheté. Je pense que mon compte en banque vient d'être vidé, ça a pas. J'ai même te montré les deux acheté, après. Là, après. Anna-tu, je me suis ton sac plein de Lego. Ah, oh, je pense que t'avais un sac là, plein de Lego. Là, fouille dans sa sacoche. Elle sort, c'est... on entend un clé pas à peu près. Elle nous fait réaliser les tampons. Oh my god! Oh ah. Shit, un Lego Ninja Turtle. C'est un porte-clé. Ah! Oh, oh non! Ils vendent plein de Lego, là, c'est la nouvelle mode. Là. C'est malade mental, c'est partout les Lego de mais Ninja Turtles. Pourquoi? Pourquoi tu me montres ça? T'es en Floride ou à New York. Mais en tout cas, j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment fait un petit pincement au cœur. Je trouvais ça cool qu'ils ont une photo de ça, Rick, mais ça, nos vieilles affaires. Mais puis, faut que je note aussi que Mel a bien de shit de ses clés. Hey, ouais, fait d'hiver, là, c'est pas des clés, ça, là. T'as quoi? T'as une clé là-dessus? Mais qu'est-ce que c'est vraiment mon porte-clé de maison, c'est encore pire. Mais OK, attends, t'as un autre porte-clé pour la maison? Un de combien? Ben voyons donc! J'ai mon Reboot. J'ai mon Dead Mouse. J'ai ma petite doll chinoise. Ça s'appelle une Kimi doll. C'est des clés. C'est vraiment j'ai hot comme... de Naruto. Puis c'est ça. Puis t'as une clé USB aussi? Ouais, j'ai une clé USB aussi. T'as beaucoup trop de clés. OK. Mais c'est même pas ça mon sujet, c'est en ça. Tout cas. Mais c'était quoi ton sujet, là? Mon c'est sujet, ça, pour de vrai, c'était... C'est bref, là. Il y a un nouveau Doctor Who, pour ceux qui le savent pas. C'est pas mal partout. Il y a l'autre s'est régénéré. Donc, le nouveau Doctor Who de la série, c'est Peter Capaldi. Un autre British, évidemment, parce qu'ils prennent juste des British comme James Bond. Peter Capaldi. Capaldi, oui. Puis, c'est un acteur, il était connu principalement pour... il joue dans World War Z. Mm-hmm. Il jouait un des docteurs, je pense, je sais pas trop. Okay. In the Loop. Mr. Bean aussi. Bon, en tout cas, c'est un acteur beaucoup Mr. plus connu. Bean. Non, c'est pas lui qui fait Mr. Bean. Mr. Bean. Le meilleur docteur ou ever. Faites d'hiver, là, Peter Capaldi. Là. Ben, en tout cas, vous autres, vous le savez déjà, mais... Cette semaine, j'ai envoyé le nom du nouveau docteur à un de mes chums en message, puis il y a eu un bug sur mon laptop, puis pendant à peu près une journée, à chaque fois que j'écrivais quelque chose, ça pastait Peter Capaldi pour aucune maudite raison. Fait que j'envoyais des emails à tout le monde, puis le monde me répondait, pourquoi tu m'écris ça? C'est qui lui? Comme si c'était une citation de Peter Capaldi. Non, mais tu sais, c'est comme si j'envoyais, tu sais, j'étais comme viral pour le nouveau docteur. Là, ouais, c'est ça. Non, mais c'était engagé. N'importe quoi, là. Fait que non, c'est ça, fait que c'est le nouveau docteur, nouvelle régénération. Donc, un nouveau docteur à détester au début, à s'habituer, à aimer et se le faire enlever encore une fois. C'est le cycle vicieux de Doctor Who. Mais il change à toi combien de temps? C'est random. Ça dépend. Tu vois, hein, la première saison, il a été... Tu disais, je pensais qu'il y avait un pattern que j'avais pas catché. Mais il y a avant, un pattern, mais c'est random. C'est comme il y a la première saison de Doctor Who, le docteur a duré une saison. Là, après la deuxième docteur, je pense qu'il a duré comme 4, 5, 6 saisons comme faux. L'autre après, je me sais plus de son nom. Les cheluchés bien longs. C'est quoi, ils sont rendus au 12e, là, hein, je pense? Ouais, c'est le 12e docteur. Ça. C'est quand même fou quand tu y penses, parce que la série dure depuis longtemps. Les années 60. Ben, c'est les années 60 qui ont arrêté, puis ils l'ont reparti dans les années début 2000. J'ai jamais écouté ça. Pas. Mais combien de cabines téléphoniques? Le TARDIS, c'est toujours le même. Ouais, le même look. Il crash ça, mané. Je sais pas. Je me souviens pas. Je suis rendu là, saison 2. Donc en passant, si vous aimez Doctor Who, blâmez-nous pas, s'il vous plaît. Moi je dis ça de même, mais... Non, mais Mel, t'as-tu starté comme du début de la non, série? Non, j'ai pas écouté ceux des années 60, mais j'ai commencé de ceux du remake qui ont commencé en début. C'est ce genre de série que tu commences du début que tu vas faire comme « wow, c'est de la merde ». Mais c'est ça, au début, j'ai eu de la misère parce que c'est comme « wow, c'est les années 2000, c'est vieux, c'est filmé, c'est vieux, puis ça a l'air... » vieux, fait que t'es comme, ouais, t'sais, t'as un peu de la misère embarquée, les effets sont spéciaux, c'est parce que c'est comme les années 2000, le vieux, le concept, mais encore un peu plus vieux, en 1995, il y a une série qui s'appelle Sliders. Ça. J'écoutais ça quand j'ai découvert ça à ZTV. Ouais, ça a joué par après à ZTV, c'est vrai, puis c'est quand même bon, là. Moi j'aimais ça. Puis ça me fait beaucoup penser, tu vois, c'est inspiré de Doctor Who, parce que c'est carrément la même affaire. C'est juste qu'au lieu d'un TARDIS de téléphone, ben t'as une montre. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien intéressant tout ça, Slider. Mais donc, c'est ça mon sujet pour la semaine, Doctor Who, puis la boutique Lego en Floride. Cool, ben merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Moi, dans le fond, c'est bien simple. Je vais radoter encore. Je parle tout le temps rien que de ça depuis un certain temps, puis je m'excuse, je vais vous taper ses nerfs, mais... j'ai joué à World of Warcraft dans le temps, puis je me suis pas rendu super loin, mais j'ai fait une couple de raids. Okay. Puis je comprenais pas trop comment ça marchait. T'as recommencé à jouer à WoW, c'était pas ça que j'ai lu dans les show notes. C'était pas ça qui était dans les notes de l'épisode. Non, mais c'est parce que j'ai fait un raid à un moment donné, puis je comprenais rien, puis c'était compliqué, puis Ben, la semaine passée, il y a eu, j'ai eu mon premier raid, entre guillemets, d'Ingress. Il y avait une anomalie à Minneapolis, puis la ville de Montréal était reliée. Fait qu'à ce moment-là, il y a la résistance et les illuminés se sont affrontés à Montréal, des choses comme ça. On était 30 contre 30 environ. Ben, puis même là, je te dirais. Mais c'était vraiment cool. J'avais l'air vraiment en cave dans la rue avec mon téléphone. Sauf gang que... de nerds demain en face d'eux. Ben, le pire, c'est que quand je jouais, je me disais dans ma tête, j'imagine Mel faire c'est une nerd. Nerd, c'est sûr. Mais c'était vraiment cool parce que, premièrement, faut faire des stratégies de fou parce que là, c'est dans la vraie vie. Il y a des réalités des affaires de même. Hey, t'es-tu à pied, t'es-tu en bicycle, t'es-tu en char? Il y avait comme 4 clusters, fallait être sur le plateau Mont-Royal, dans Chinatown, en face de Berry, dans le parc Émilie. Fallait être à McGill, fallait se promener. Puis il y a beaucoup de stratégies, il y a un système de pointage. C'était vraiment intense, là. Puis à ce moment-là, c'était juste cool. On avait des raid leaders, puis c'était la même affaire que vraiment si tu jouais à World of Warcraft. J'ai trippé solide. C'était quelque chose de le fun. Puis toute la camaraderie un peu, tu sais. Je veux pas, tu joues avec ton téléphone, tu viens, tu manques de batterie. Fait que là, le monde, t'as-tu un battery pack? Tu peux-tu me recharger? Des choses comme ça. Là, un moment donné, fuck, on se rendra pas à temps. Puis t'en as un, je vais pogner mon char, mais je peux en amener 3 avec moi. Fait que je vais pogner les personnes qui sont dans Valise, niveau 8 avec moi. Fait que comme ça, on va avoir une meilleure chance. Puis ils se rendent en char, des choses comme ça. C'était juste... C'était fucky, c'était cool au bout. Puis c'est la camaraderie surtout. On a fini ça, je pense, c'était au... c'était quoi le pub? C'était le haut? Au Dublin's. Au Dublin's pub. Excellent pub en plus. Là. On a fini là, mais tu sais, c'était la gang de la Résistance puis des Illuminés qui étaient là. Puis on a fini, puis shout-out à la serveuse là-bas parce que, pauvre fille, on est arrivé un samedi après-midi à comme... 6h... Ben, après-midi, en fait, en soirée. C'était l'après-midi, je pense que c'était le soir. On est arrivé sur l'heure du souper, puis elle était toute seule. Puis elle voit 40 personnes qui rentrent puis qui ont soif. Là. Qui est en charge de ça? Vous warnez les places là, de même? Là? Ouais, mais nous autres, on pensait pas que les verts étaient pour venir avec nous autres. Puis les verts, ils sont dit les bleus viendront pas. Mais on est peut-être arrivé à la même place. Fait que tu pensais que les verts étaient pas pour aller dans un bar irlandais. Elle est bonne, celle-là. André, continue. Donc, mais ça, on est arrivé là-bas, on a pris une bière, toute la gang ensemble. C'était vraiment cool. Est-ce qu'il y avait l'animosité en besoin? Ben, tu vois qu'il y a une rivalerie quand même qui est là. T'sais, on se niaisait un peu, on se lançait des cracks. C'est bien toi avec ton portal. Non, mais tu sais, à un moment donné, mettons, t'en avais qui marchaient, puis là, ils se disaient, mettons, OK, ben, regarde, moi, j'ai plus d'équipement, je vais t'en dropper. Mais quand tu le drops, ça tombe à terre. Mais n'importe qui peut le ramasser. Fait que t'avais un de nos gars qui était en arrière d'eux autres, il marchait dans la gang, puis il ramassait les affaires. Puis à un moment donné, ils ont réalisé, le stock que tu me donnes, il apparaît pas à terre. Puis là, tu dis, ben, arrête, voyons, on se fait 15, je te drop. Puis là, t'as l'autre, le gars de notre équipe qui fait merci, puis il se pousse. Fait que, tu sais, c'était comme. Bye. C'était drôle un peu, tu sais, puis tu voyais le monde, puis c'était juste le fun. C'était une belle petite ambiance. C'est drôle, pis... il a tout volé. Ouais, ben eux autres, ils ont peut-être trouvé ça moins drôle. Quand moi, je rentre dans des guildes à WoW, puis que je vole tout le monde, ben après, le monde, il m'aime pas. Ça se fait pas, mais bon. Mais. Ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce que si t'es une guilde intelligente, tu vas bloquer ton stock. Ben ouais, mais. Non, non, mais ça peut se faire avec lesson learned. Long work là. Un moment donné, ça, tu flippes la switch après 2 mois de travail là. Je l'ai juste fait 3 fois là. Ben wow, parce que tu te fais autoriser, mais c'est pas autorisé. Excuse-moi, c'est fou, vraiment, c'est motivé d'aller dire je vais me faire exciter par la guide, je vais les flouer les autres. Exactement, ça va être le stock. Ben, y a du monde qui a l'invite facile. On a joué à Ingress, il y avait un event, mais mon autre point aussi, c'est que j'ai enfin pu jouer à Shadowrun Returns. Ah oui, puis je m'excuse, je l'ai pas mis dans les show notes, Milter va falloir rajouter sa photo. On verra. Mais j'ai joué à Shadowrun Returns, un jeu que j'ai kickstarté, ça faisait un méchant bout. C'est fait par l'équipe originale qui avait fait le jeu au Super Nintendo. Des gens qui étaient. C'est cette gang-là. C'est cette gang-là. Le jeu. Pas cette Genesis, là. Non. Ah, cool. Le jeu du Super Nintendo. Vrai, cool. L'histoire, puis le pire, c'est que t'as Jake qui est dans le nouveau jeu aussi, le personnage du Super principal. Nintendo qui était là. Regarde, vraiment cool. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils ont mis un workshop avec. Donc, autrement dit, quand tu finis le jeu, t'as comme un genre de level editor, mais pas juste un level editor, tu peux faire ton propre scénario. Malade. Puis là, t'as tout le monde sur Steam qui commence à faire leur propre scénario, les choses comme ça. Ce jeu-là, ça m'a coûté, je pense, c'était 10 ou 15 piastres pour le Kickstarter. Puis, dans le fond, là, le replay value, là, je vais pouvoir rejouer à ça, là, mais tellement de fois, là, ça n'a pas de sens. Puis, c'est pas les gros graphiques, c'est pas le gros kit. L'histoire est malade, les contrôles sont très corrects. Il y a des petites affaires à modifier, par exemple, mais malade. C'est fou, aussi, là. Hein. Nick? Ben, c'est juste que moi, je suis quand même un noob. Ouais. Puis ça me dit absolument rien, ce jeu-là. Donc, ouais. Shadowrun, tu connais pas? L'univers Shadowrun, non? Shadowrun, ça a commencé un peu à l'équivalent de Donjons et Dragons. C'est un monde où la magie refait surface. C'est un pen and paper. Hein? Mais c'était un pen and paper au départ. Puis la magie fait surface, mais par contre, c'est elle arrive quand la technologie est à un niveau où elle peut rivaliser avec la magie. Fait que la magie revient, il y a des gens qui se font gobliniser, fait que tu reviens avec des elves, des orques, des hackers aussi beaucoup. Il y a des partout. Gens, c'est des deckers là-dedans. Des deckers, ouais. Les gens vont avoir mais de la technologie implantée dans leur tête, qui est un data jack, qui peut se connecter à un cyber deck, qui est un genre de clavier. Ils joignent la matrice, ils téléchargent leur conscience, puis des choses comme ça. Ma t'as des chamans, préférée, des mages. T'as des samouraïs urbains en plus, eux autres c'est fou, c'est des gens qui vont remplacer leurs membres, ils vont avoir des bras, de la peau, des cyborgs, des affaires de peu, puis eux autres c'est des fous, ils vont juste tout détruire. Le gameplay c'est le gameplay RPG. Dans le fond c'est du point et clic là-dedans, fait que okay. Tu vas avoir un bonhomme, tu vas cliquer, ça, pas ça, tu vas avoir des actions. J'aime ça quand même, ce genre de jeu. C'est un peu genre StarCraft, hein? Ben ça me fait penser beaucoup à, dans le fond, les premiers Fallout au PC, de la manière que tu joues, c'est que tu vas avoir des points pour pouvoir te déplacer, des points pour faire des actions, un peu comme ou XCOM. C'est un peu tactique, là. Exactement. Mais l'ambiance est le fun, puis je veux pas spoiler rien, mais à un moment ils m'ont fait un beau clin d'œil aussi au Super Nintendo, parce que le soundtrack du nouveau jeu Shadowrun Returns, 16-bit love, c'est écœurant, là. C'est super beau, puis c'est actualisé, mais ça reste vraiment respectueux de l'original. Cool. Fait que ça m'a fait triper. Peux-tu dire mon petit commentaire pessimiste, comme oui, d'habitude? Tu peux dire ton commentaire. Le jeu, moi, j'ai pas joué longtemps. J'ai joué avec un ami, là. J'ai vu bien un peu, là. La seule affaire, puis j'ai entendu ce commentaire-là par d'autres mondes aussi. Fait que je me dis, je suis peut-être pas tout seul. Le dialogue, ouais. Ils mettent beaucoup inclus dans le dialogue que t'as pas le choix de lire, dans un sens, quand tu parles à quelqu'un, là. Mm-hmm. Ils te mettent beaucoup de mise en situation écrite. Ouais. Puis des fois, c'est long pour rien. T'aimes juste pas lire. Non, mais tu sais, quand je parle au gars, je veux du dialogue, genre comme s'il me parle, et je veux pas parler au gars puis que ça me dise des affaires de « et en se revirant de bord ou en suivant le vent, il poussa son toupette de cheveux, nanana, c'est le pen and pour paper, dire, par exemple. » Mais c'est ça, ouais, c'est non, inspiré mais du je comprends paper, d'où que ça vient, mais j'ai déjà vu bien d'autres RPG qui sont inspirés du pen and paper quand tu y penses, puis que tu parles au gars, puis il s'arrange pour te mettre en contexte avec le visuel déjà offert, même si c'est un vieux classique, justement. J'aime le look, puis je me dis ça aurait pu. Pour moi, personnellement, je sais qu'il y a du monde qui vont me chioler après à cause que j'ai dit ça, puis qui vont dire « t'aimes pas les, justement. » C'est à puis part de nous autres, là, ou autre que vous autres, là, ouais. Parce que je me l'ai déjà fait dire quand j'ai juste dit « j'adore le jeu, j'ai le goût de jouer. » La seule affaire que j'aimais pas, c'est dans les dialogues, il y a trop de mise en situation autre. Puis je mets le monde tout de suite, il y en a qui c'est comme, j'ai pas dit le jeu il est mauvais, j'ai moi, juste moi dit personnellement, que je trouve que ça, ce que ça fait, c'est que ça va te laisser une interprétation que t'avais pas. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de jeux modernes, qu'est-ce qu'ils vont faire justement, c'est qu'ils t'imposent quelque chose. Là, c'est des bonhommes pixelisés. Tu parles comme un livre, tu te l'imagines ben, c'est dans ça, ta tête. Tu te l'imagines ouais. dans ta tête parce que c'est des bonhommes pixelisés, des choses comme ça. D'ivoire lever son bras qui est fait en 12 pixels ou quelque chose comme ça. Moi, j'aurais trouvé ça moins immersif. Moi, je trouve ça plus magique. C'est peut-être moi qui fais. C'est comme dans le temps, quand dans Zelda, tu capotais parce qu'il y avait juste un mouvement bien vite mais qui lève sa main. Dans Shadowrun, c'était pas comme ça. Non, mais ça, c'est je suis ça, c'est ça un peu le mais dans les anciens, il n'y avait pas autant de mise en situation dans les descriptions. Ben, il y en avait pas mal. Le premier Shadowrun au Super Nintendo, on m'a dit de quoi, il y en avait mais du stock au bout. Je ne trouve pas, c'est mais j'y me gossais moins dans le temps. L'as-tu fini, le premier Shadowrun? Je l'ai fait dans le temps quand j'étais jeune, puis je l'ai fait, qui m'a pris comme un an à le finir. Ouais. Puis je l'ai refait en genre deux semaines après en émulateur. Parce que moi, je l'ai refait. Que j'ai compris moi, j'ai le encore la cassette chez nous, puis je le fais une fois par année. Pour de vrai, tu l'as encore? C'est mon jeu, c'est un de mes jeux de genre de jeu que je garderais, parce que j'ai joué aussi au pen and paper de Shadowrun dans le temps avec des chums au secondaire, puis c'est très cool ça. Ben, c'est sûr et certain. Y a-tu des scènes comme ça dans le Super Nintendo, parce que je me rappelle pas nécessairement du texte, ouais. Mais y a-tu des parties dans le Super Nintendo où ce qu'il décrit, qu'est-ce ouais. qui se passe? Ben, quand tu trouvais le chaman dans la première crypte au départ, ils disent voyez un chaman par terre, il a l'air blessé, les choses même comme si ça, tu le vois dans le texte, ouais. C'est pour ça tu vois juste font, la photo hein. À côté. Ouais, mais ça, ils le font parce que c'était comme, il dit, il dort-tu, il est-tu blessé, ça, c'est ouais, mais ils le faisaient dans l'original, mais ils le font dans qu'ils le font pas mal plus pour des petits dialogues inutiles, tu sais, il move his coat, nanana, puis c'est comme moi, j'ai trippé. Mais ouais, le jeu est super bon pareil, mais c'est juste, je trouve que c'est un peu de dialogue de trop, puis il aurait pu juste faire le bonhomme. D'un autre côté, c'est un jeu à 20$ aussi qui a été kickstarté pour à peu près 600 000, je pense. Kickstarté, c'est un segway, ça? Oui, c'est un bon segway parce qu'effectivement, ce qu'on va faire, c'est que là, on a fini notre actualité, hein, je pense. On a fait le tour de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Ouais. Cette semaine, on va parler de la finance participative connue sous le nom anglais de crowdfunding. Donc, si on se fie à Wikipédia, la finance participative ou collecte est une expression décrivant tous les outils et méthodes de transaction financière entre les individus avec pas ou peu d'interaction par les acteurs traditionnels. L'émergence des plateformes de finance, blablabla. En gros, là, on parle de Kickstarter, Indiegogo, KissKiss, BankBank. Dans le fond, là, ce que c'est le crowdfunding, la finance participative, c'est simple. C'est des nouvelles plateformes qui sont émergentes, des nouveaux sites web qui vont proposer aux gens, viens parler de ton projet, viens parler de pourquoi les gens devraient te financer. Donc, autrement dit, aujourd'hui, nous autres, le collectif, on décide qu'on veut partir un podcast, qu'il nous faut une somme X de dollars, puis qu'on va partir ça d'ici 6 mois si on a la somme X de dollars. C'est-tu un exclusif là, que tu nous annonces, André? Non, non, nous autres, on est déjà financés. mes cartes de crédit pleurent encore, là, mais on est déjà financés, tout va bien. Là. Mais en gros, c'est que les gens vont inciter les gens à financer leurs produits. Autrement dit, moi, du jour au lendemain, je décide que je vais inventer un casque que tu mets sur ta tête puis que ça bloque les ondes de la CIA pour pas qu'ils lisent tes pensées. Il y a de l'aluminium là-dedans. Donc, il y a un peu de papier d'aluminium, mettons, là. Fait que, tu sais, à 5$, je te donne une photo du casque. Je viens de penser que le même gars avec le casque, il va parler de qu'est-ce qu'il pense sur l'Internet. Exactement. Donc, les gens vont vendre leur salade un peu. Il y en a qui vont le faire de façon très maladroite. Il y en a qui vont le faire de façon un peu plus professionnelle. On a des projets qui ont déjà été kickstartés, qui ont déjà été financés de façon participative. Des groupes qui vont être Anamanaguchi. On a le film de Veronica Mars, qui est un des gros concepts présentement qui est en train de se faire financer. Zombie Hunter. Il y a Shadowrun Returns. Ouais, jeu zombie, déjà joué aussi. Des jeux de zombies, zombicides. Là, que il y a Zombicide qui a été kickstarté, exactement. Il y a un jeu de zombies à la Minecraft aussi. Seven Days Till You Die. En gros, là, dans le fond, ça, c'est la finance participative. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, c'est qu'on va en discuter un peu et on va essayer d'éclairer c'est quoi ce sujet-là, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce qu'on en pense. On a parlé du concept, là, mais premièrement, autour de la table ici, y a-tu des gens qui ont déjà financé quelque chose? Oui. Oui? Qu'est-ce que t'as financé, toi, Nick? J'ai financé un projet qui n'est jamais venu à terme, finalement. OK, c'était ça start bien. C'était un film, ben, t'avais sûrement vu Preview, c'était The Worst Case Scenario. Ah, ça me dit de quoi, ça? C'était un film de zombies avec des nazis crustacés. Écoute, wow. Eux, ils ont fait un trailer, le trailer il était hallucinant. Ils ont gagné des prix, là, pour des festivals juste de bande-annonce. Ils ont gagné plein de prix parce que, écoute, on postera le lien sur... La page Facebook et le Twitter. Ça vaut la peine. Il y avait sorti, je pense, c'est 2 trailers de ce film-là, 2 bonnes annonces. Puis moi, j'avais donné comme 20$. Puis à 20$, ça te donnait quoi exactement? Ben, ça remonte là, comme à. Ça doit faire à peu près 10 ans là, ça. Fait que c'était pas comme Kickstarter. Je pense que c'était moins organisé tout ça. Fait que ils donnaient pas grand-chose. Puis ont-tu déjà encaissé ton 10$ ou? Oui, donc ils ont mais c'est ça, je suis curieux. Mais toi, sur Kickstarter, est-ce qu'il y a comme une genre de police d'assurance? J'ai jamais vu la couleur de mon argent. Y a-t-il une, comme sur Kickstarter, mais comme une protection, consommateur, genre. Si jamais le projet ne marche pas, est-ce que t'es remboursé? Présentement, là, regarde, premièrement, il faut que le projet se rende financé à 100% avant qu'il prenne l'argent. Avant même qu'ils prennent l'argent. Fait que puis, garde l'argent dans ton compte ou garde l'argent si ta carte de crédit l'espace, parce que si tu n'y penses pas, puis toi tu dis que c'est instantané, non, c'est peut-être dans 3 mois. Exactement. Garde ta date d'échéance. Parce que ça, c'est pour prévenir un peu les gens, pour pas que tout l'argent soit déboursé, puis là, finalement, ils se rendent à 200 000 sur 700, puis ils disent, ben regarde, on n'a pas eu assez, fait qu'on cancelle. Mais c'est ça, pour qu'il y ait de fraude. Mais même pas être obligé de rembourser, parce que c'est beaucoup de troubles à faire tout ça. Si le projet est financé à ce moment-là, puis ils se rendent à 100%, c'est sûr qu'eux autres, ils peuvent prendre l'argent à ce moment-là, puis ils vont y aller. Par contre, Kickstarter, c'est Amazon. on va être clair, net et précis, Kickstarter, c'est Amazon. Donc, quand on va payer, à ce moment-là, souvent, ils vont relier un compte Amazon, des choses comme ça. Fait qu'à ce moment-là... Amazon, c'est une comparaison que tu as faite ou ça appartient à Amazon? Ça appartient. C'est un fait. C'est okay. Un fait, ça appartient okay. À Amazon. Oui, je pense à ça, c'est le futur du pre-order. On se le cachera moi, je vois ça comme exactement. Un gros pre-order parce que... Mais pour, jamais pour Amazon... Non, mais peu importe la façon que c'est, je vois ça comme une pre-order, mais une protection pour la compagnie. Parce que moi, personnellement, dans le domaine que je travaille, faut prévoir les productions des certains titres en DVD ou en CD ou ces affaires-là. Puis, des fois, ben, y a des titres qu'ils peuvent être une grosse prédiction, puis que dans le fond, on le sait tout que ça vend pas ou quelque chose. Et vice-versa. Quand il y en a d'autres, le gars, il a juste de l'argent pour imprimer 1000 copies. Les 1000 copies partent en une semaine parce que c'est la grosse affaire. Puis là, ça perd des ventes au bout parce que ça prend un autre 2 semaines à produire, à des affaires de même. Fait que là, en faisant ça, quand tu payes pour peu importe quoi, puis admettons, ils te disent tu as une copie du film, tu as une copie du jeu ou quelque chose de même, quand que le jeu va sortir, ben ils savent que, bon, si on le sort, on en a vendu 10 000, 100 000... T'sais, ils vont pas en imprimer 100 000 si finalement ils en vendent 10 000 et vice-versa. Ouais. Fait que c'est comme une protection pour tout le monde. Mais mis à part Nick autour de la table, y a-tu d'autres gens qui ont financé des juste trucs? Oui, bien sûr. Parce que cette année, le directeur qui voulait faire le worst case scenario, il a sorti Frankenstein Army. OK. Puis je me dis peut-être que mon 20$ que j'avais investi il y a 10 ans. Peut-être que de façon dérivée, obscure, il a participé au financement de son film qu'il a fait. L'autre ça, film. Il l'a passé dans le party. Parce que toi, t'es embarqué un peu dans le Wild West du financement, dans le fond. Toi, t'es embarqué, t'avais pas trop de raison, t'as donné 10$. Puis... Ben, c'est ça. Moi, c'était comme. C'était pas Amazon. D'après moi, c'était lui. Puis c'était peut-être un petit peu louche comme technique, mais moi je voulais le voir ce film-là, puis j'étais prêt à... Ben dans le temps, le monde, il y avait, je sais pas si c'est PayPal, mais c'était comme souvent des sites web. J'ai déjà vu une amie qui programmeuse là, faisait des sites web, puis des photos de chiens. Mon chien est malade, donnez-moi des dons. C'est la même affaire un peu. Éric, t'avais quelque chose que tu voulais dire sur le sujet, je pense? Ben moi j'ai financé juste un à date, mais c'est Star Citizen. C'est pas le gars de Wing Commander, ça? C'est officiel sur ce qui j'oublie sur toujours Kickstarter, que c'est ça, en fait. Là. Ben, c'est Kickstarter, puis j'ai fait ça genre comme un an et demi passé. Mais c'est super ambitieux, puis lui, j'ai hâte qu'il sorte, parce que ça va être quelque chose. Je l'oublie tellement, par exemple. Ouais. Ça, la face, c'est comme tu l'as... Parce que je me rappelle, ça, j'ai trippé Wing Commander toute ma jeunesse. C'est-tu sorti, là? Tu l'as-tu reçu? Non, tu mets 30$, puis t'as une copie digitale, mais c'est pas là encore. Puis j'ai vraiment hâte de ça, là. Ça va être quelque chose d'épique. Puis c'est drôle, là, Chris Roberts, là, de A à Z, là, le gars, il est même allé jusqu'à Hollywood avec ses jeux. Là. On parle des années 90 avec le full motion video. Ouais. Fait que là, sont revenus, puis on a bien hâte de ça. Mais je pense que tu apportes un point intéressant, puis moi, ça m'avait fait ça. Moi, je kickstart pas mal de choses, je dois être honnête, là, j'ai des 5-10$ d'investissement un peu partout. Tu me le dis souvent, mais ça, ouais, j'ai donné un petit 5 là-dessus. Ouais, André, moi, j'hésite, make sérieux, it rain. J'avoue que c'est ça, ouais, André, make it rain, Kickstarter. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, c'est que si on prend, mettons, Shadowrun se vendait en vente sur Steam à 17$. Ben, moi, je l'ai kickstarté à 15$. Mais quand? Il y a un an, t'as donné, c'était combien? Ça 15 fait à peu près, au début, quand ils ont annoncé leur Kickstarter, moi, je donnais 15$. Parce que c'était comme... Au lieu de 20, fait que j'ai économisé un peu. J'ai peut-être économisé 2,50, 3,50, whatever. Ouais. J'ai économisé pareil un peu. J'ai kickstarté aussi le dernier album d'Anna Managuchi, Endless Fantasy, dit. Que ça, regarde, les gars, ils avaient demandé 50 000, ils ont ramassé 222 000 à la fin. C'était super drôle, tu sais, c'est des gars vraiment talentueux, ils méritaient mon argent, ça m'a coûté 5-10$, j'ai eu leur album en point MP3, pas de DRM dessus, je l'ai eu bien avant qu'il sorte, des choses. Tu me dis ça, là, puis, tu sais, moi, j'adore le concept, là, de Kickstarter, là, OK, là, ou de toutes ces campagnes-là, des sites, mais Kickstarter, en général, parce qu'ils ont comme légiféré ça, là, un peu plus. Ben, il y avait Indiegogo qui est quand même aussi populaire. Ouais, mais c'est comme le MySpace du Facebook. Mais moi, qu'est-ce que je trouve là-dedans, c'est que c'est cool, mais j'ai jamais Kickstarter rien, j'ai jamais donné d'argent à personne pour ça. C'est le fait que... J'aime pas avoir tout de suite. Puis, oui, je fais des préventes, mais on dirait que ça, c'est moins certain dans le sens que je trouve ça encore plus long qu'une prévente. C'est comme une pré-prévente. Ouais, non, mais c'est comme une pré-prévente. Puis je me dis pourquoi que je peux pas, mettons, aller le payer un peu plus tard, la prévente au magasin, puis ça revient soit au même. Mais aussi, quand je t'écoute, dis Anamanaguchi, là, ils ont eu quoi, 55 000 sur le 25 000 qu'ils voulaient? Non, en fait, ils demandaient 50 000, puis ils ont fini à 260 000. 50 000, ouais, c'est 220, en tout cas. Mais c'est là que je me dis, puis c'est le même symptôme, là, puis OK, pas que je vote pas, là, mais tu sais, le monde qui vote pas en disant « mon vote ne change rien », mais si, moi, j'ai ce symptôme-là, peut-être pour le Kickstarter, dans le sens que pourquoi je donnerais 5 piastres quand que ils ont ramassé 267 000 sur 50 000 qu'ils voudraient? Mon 5 piastres n'aurait absolument rien changé. Ouais, mais ça dépend, parce que regarde, t'as cette manière de voir les choses. Si tout le monde dit ça, nanana, je comprends cet argument-là, c'est parce que c'est tout le temps ça, tu sais. Mais... parce que les nouveaux concepts de finances participatives, tu sais, puis surtout Kickstarter, qu'on s'entend qui est pas mal le plus populaire présentement, t'as toujours quelque chose. Peu importe ce que tu donnes, t'as quelque chose. Ouais. Que ce soit un poster, une signature, un remerciement, un whatever, tu vas avoir quelque chose pour ton argent. Moi, ouais, mais Anamanaguchi, il commence jamais. Tu sais, je sais pas, en tout cas. Ben moi, regarde, je vais te laisser finir. Anamanaguchi, je les ai vus au Hill Motor en show, là. Puis c'était 3 mois après le Kickstarter. Puis eux autres, dans leur point, disaient je me rends à 50 000. Parce que t'en as un dans leur équipe, que lui, sa job professionnelle, c'est de faire des props pour des shows et des choses comme ça. Ben, eux autres, je les ai vus au Hill Motor 3 mois après qu'il y ait eu du cash. Puis ce qu'ils ont dit qu'ils étaient pour faire, c'est que s'ils se rendaient à 50 000, ben, dans leur tournée en show, ils étaient pour avoir des cubes de lumière, des tours, puis des affaires de même, puis un setup. Ben, ils étaient sur le stage, ce setup-là. Puis pendant que j'étais dans le show, tu regardes ce setup-là, puis oui, j'ai acheté un billet pour aller voir le show, ça m'a coûté 10$. Mais par contre, quand j'ai vu le stage, j'ai fait « Hey, ces lumières-là, là, je les ai financées, ouais, pour eux autres. » Puis eux autres, ils l'ont dit au début, puis en même en commençant le show, on veut remercier s'il y a des gens en place qui nous ont aidés sur le Kickstarter. Vous nous avez aidé à avoir le setup qu'on a sur le show aujourd'hui. C'est un band qui mise beaucoup là-dessus. Il doit y avoir des centaines de millions d'autres bands qui ont moins le marketing social puis ces affaires-là. Là. Puis ce band-là, on remis beaucoup aussi. Là, fait que c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. T'sais. Oui, mais moi, je voulais juste dire un point. Dans le fond, c'est une méchante façon de faire beaucoup de cash en bout de ligne parce que tu pars pas en déficit quand le jeu est sorti. Mais c'est ça, là, au niveau des finances, moi j'ai des opinions. Mais c'est pour ça, tu sais. Fait que moi je suis comme, ok, fait que dans le fond, c'est un petit peu du freeloading. Pas nécessairement. Oui, tu as des affaires, oui, tu te fais donner des affaires en échange, mais tu sais, de l'autre côté, la compagnie à part, puis elle est dans zéro dette quand le jeu sort. Ouais, mais ça dépend parce que regarde, il y a eu des instances. Ouais, c'est ça. Moi, t'es le jeu qui donne le jeu. Là. Mais pas juste en zéro dette. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que t'as eu des instances où il y a des compagnies qui disaient, ben regarde, moi ça va me coûter 700 000 faire mon jeu. Puis il kickstart 700 000. Mais là, un moment donné, whoop, hey, 700 000, on l'a flobé, là. Coûte pas mal plus cher. Coûte plus cher, ouais, là, mais... ça va être 900 000 finalement. Oh boy, hey, là, ils repartent. Ça, tes investisseurs, là, par exemple, les gens qui kickstart, eh hey, boy, okay. Hey, faut wow, t'as peur, là. Ça veut dire l'argent que j'ai flobé, ça sert à rien. Votre budget, comment? C'est une lame à double tranchant parce que c'est la même affaire que si tu mettrais tes actions en bourse ou des affaires comme ça. C'est non. Que tu te reviens avec des non. investisseurs. Non, c'est pas la même affaire. Parce que c'est l'investisseur qui appartient à la compagnie. Si tu fuck up, là, t'as un choix de qu'est-ce que tu fais après ça. Là. Je veux dire, tu investis de l'argent dans une compagnie. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Là tu non, parles mais là, de on quoi, est là? Dans. Ben, c'est du crowdfunding. Mais, c'est une manière ouais. de trouver là, tu des investisseurs que tout ce que tu donnes, c'est le produit. Mais s'il y a des gens comme. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas. Moi, où c'est les bourses, en fait. Là. C'est pas loin d'être les bourses à quelque part. Ouais. OK. J'ai comparé non. à des actions en bourse. Non, non, mais non. C'est parce que t'as pas un retour en bourse. C'est ça, c'est comme le. T'as c'est un comme... retour, ça ouais, peut mais t'as ton mot à dire pareil quand t'es en bourse, non, par exemple. Il te redonne pas plus d'argent, il te redonne ton cadeau que t'as payé pour, dans mais le fond, parce que t'as donné plus. Ouais, mais ça dépend aussi du modèle, parce que Kickstarter, on s'entend qu'il y a un droit de veto des utilisateurs aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a déjà eu un précédent où si la personne. C'est où elle vendait du rêve, puis elle disait, ça me prend 500 000, puis je vais le faire, puis qu'elle le fait pas en 500 000, puis elle le livre pas, puis des choses comme ça. On s'entend, Ouya est un exemple. Ils ont eu de la misère, Ouya. Puis ils ont eu très chaud avec ça. Parce que rendu à peu près à. Eux autres, ils avaient, je pense que c'était un deadline qu'ils avaient donné. Puis je veux pas donner de date ou des choses comme ça. Mais ils ont dépassé leur deadline. Puis ça s'est rendu à un point tel où Amazon a commencé à s'en mêler en disant regarde, vous êtes allé sur Kickstarter. Légalement, vous vous êtes engagé à livrer à telle date. C'est pas fait. les Collector's Edition, les consoles, les choses comme ça, il y a eu un recours collectif qui s'est fait contre Ouya. C'est vraiment... Ça veut dire que, tu sais... Je connais un gars qui a posté sur son Facebook, j'osais avec de ça, qui anime le dernier des podcasts en même temps. Il y a eu sa Ouya qui avait kickstarté. Il l'a eu, il était supposé, parce qu'il avait kickstarté, d'avoir une édition spéciale en bois. Ouais. Comme ben, en faux bois, là, comme un beaver, là, un char, là. Qui a du faux bois dessus, puis quand il a reçu sa console, c'était pas ça, puis il a réécrit gentiment, puis il a dit « Hey, je pensais qu'en Kickstarter, nanana, à telle date, puis en donnant tel montant, j'avais droit à telle console. » Ils ont dit, ils ont répondu, en plus, très gentiment, par exemple, là, ils ont répondu quelque chose comme « Ok, oui, on le sait, désolé, on est en train d'en fabriquer d'autres, on t'envoie ça bientôt. » Fait que dans le fond, pour le deadline ou quelque chose de même qui était déjà en retard, ils ont juste shippé au monde des consoles. Ouais. Ils sont en train d'y en shipper une deuxième. Fait que lui, c'est cool, il y a deux Ouya, là. Ouais. Mais le monde qui ont pas chiolé, là, puis qui ont juste fait comme yeah, j'ai ma Ouya, puis fuck off si elle est pas en bois, elle est cool noir. Je m'en allais dire exactement la même chose à part des bourses, par exemple. C'est comme tu investis, puis la seule affaire qu'il y a, c'est que tu peux tomber sur un mauvais investissement. C'est good mais ou c'est de, Ouya, c'est un sure shot ou pas. Mais si tu mets 500$ sur Ouya, là. Je veux dire, le seul affaire que tu as, c'est le produit. Moi, dans ma tête, des choses comme ça, il y a un retour long terme. C'est ça qui... Ben moi, tu vois... C'est, ben, ils ont un deadline officiel. Ouais, mais si il est big, ton 200$, c'est 200$. Ouais, c'est mais cool, ça non, dépend. Toi, non, toi, ta Collector's Edition que tu as eu ben, parce que tu as kickstarté. Puis moi, si je veux ça, ben first, il n'est pas accessible à mais moi. Investi 1000$ dans Google en 15 ans passés, puis tu m'en parles. Mais la différence entre la bourse... La différence entre la bourse et un Kickstarter, c'est qu'effectivement, le Kickstarter, ça va être juste pour le produit. La bourse, ça va être pour les revenus à long terme. C'est vraiment une prime. Mais par contre, tu perds ton investissement ou tu as un mauvais investissement. C'est ça, mais par contre, les deux, par contre, vont avoir le même retour. Ça veut dire que les investisseurs en bourse vont avoir un droit de voter sur les actions de la compagnie par après. Autrement dit, la direction s'en va. Mais c'est la même chose avec un Kickstarter. Parce que Kickstarter, si les deadlines ne sont pas respectées et les choses comme ça, les gens qui ont Kickstarté ont un droit de veto de dire ben, nous autres, là, on est 70% de ceux qui ont Kickstarté, on n'a pas eu notre goodies, on n'a pas eu notre chose, notre argent s'en va où? Puis c'est Amazon à ce moment-là qui prend les rênes puis qui va aller du devant. Je guess tout ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que les bourses, c'est plus rentable. Parce que de ce Kickstarter ou du crowdfunding, tu perds ton cash. Mais si c'est pas bon, ou tu fais ton droit de veto, mais cash revient exact. Ton cash revient. Si tu fais des bourses, faut que tu ailles acheter ton jeu après, techniquement. Mais regarde, je pense que le plus basique de voir ça, c'est effectivement, si tu veux faire de l'argent, va jouer en bourse. C'est comparable, c'est deux affaires différentes, je crois pas. Vous êtes comparables. Moi, je vois pas ça comme ça. Si tu veux avoir un produit ou si tu crois à un concept et tu veux l'avoir avant, je vous donne un exemple, la montre Pebble, qui est une montre, dans le fond, avec un affichage e-ink qui a été faite. Puis c'est une montre qui se connecte avec un iPhone, un Android, un iPad ou peu importe, par Bluetooth, puis qui le contrôle. Ça veut dire que ton téléphone est dans ta poche, il sonne, sur ta montre, ça affiche le nom, le numéro de téléphone, tu peux raccrocher ou accepter. Cool. Ça, c'est super cool, mais eux autres, ils kickstartaient ça à 100$. Tu sais, tu pouvais financer, mettons, 15-20$, puis là, tu avais aidé la Pebble à se faire développer, ou à partir de 100$, tu avais une Pebble, tu avais un des prototypes qui était développé, puis ils te le donnaient. Mais tu sais, le Kickstarter, faut le voir, la finance participative, dans le fond, là, tu achètes un produit, puis c'est une précommande, c'est carrément ça. Mais c'est une précommande, sauf que ça veut pas nécessairement dire qu'il va en avoir d'autres par après aussi. On prend, par exemple, le Pebble. Là, eux autres, c'est une histoire de succès. Ils peuvent la commercialiser maintenant. Parce que eux autres, dans leur planification, ils avaient planifié, on va faire des prototypes, on va donner les prototypes aux backers, mais il va nous rester de l'argent après, par exemple, et avec ça, on va pouvoir en commercialiser et en vendre d'autres. La bourse, ça va être, ben, je fais un gamble, je vais peut-être faire de l'argent à ce moment-là. Fait que tu sais, il y a une différence entre les deux. T'sais. Moi, pour revenir au fait qu'ils font genre 100% de profit parce qu'ils n'ont pas de dépenses, c'est pas 100% parce que t'as un coût de développement, t'as un coût de matériel. Non, mais c'est payé, c'est couvert, mais c'est ça, mais c'est couvert dans l'argent. C'est une que protection tu des pertes. Moi, je vois ça du côté de la compagnie. Exemple, à te donner un affaire la même. Goldorak, il est sorti en DVD il y a vraiment pas longtemps, OK? Il était temps. Mais ça fait comme 20 ans ou 15 ans au moins depuis que le DVD existe que le monde il parle de je veux Goldorak. Mais si Kickstarter aurait existé, ou avait existé, il y aurait pu avoir une compagnie qui dit « Check, nous autres, ça va nous coûter 600 000$. » Je dis n'importe quoi, là, j'exagère peut-être, là, mais 600 000$, avoir les droits, la licence de distribution, faire un beau coffret, on va faire ça de même, on va... Tu sais, combien vous voulez payer pour ça? Ben, je vois plus ça comme justement une protection, puis on peut aller le chercher, ça va coûter tant, à place de le faire puis de prendre le risque que le monde le veuille pas finalement, puis que c'est du gaspillage de production, de l'argent gaspillé par les compagnies. C'est leur argent qu'ils perdent. T'sais. C'est leur argent quand ils l'ont. Mais pour des compagnies qui ne l'ont pas, oublie le fait peut-être d'un titre en DVD. Ah non, ça c'est mais... cool. Oui, mais je verrais pas, mettons, Ubisoft aller faire un Kickstarter. Tu comprends ben ce que pourquoi je pas? Mais ben c'est ça qui se passe. Parce que... Pourquoi pas? Mais c'est un des points, puis ça, c'est, je voulais l'apporter tantôt, mais regarde, il y a un peu une controverse associée à ça. Je vous donne un exemple. Il y a eu un projet qui a été financé présentement par Kickstarter, puis qui était dessus. Je sais pas s'il est fini par contre, mais Veronica Mars, qui est une des téléséries qui a quand même bien pogné, qui a eu un culte, qui a arrêté, ben, ils ont kickstarté un film de Veronica Mars. Donc, à ce moment-là, il y a eu un peu de débat là-dessus parce que le monde, ils se disent, wow, t'as peu. T'es déjà à Hollywood, t'as déjà des acteurs, des directeurs, des choses comme ça. Est-ce que ces gens-là devraient avoir le droit de kickstarter? Sauf d'un autre côté, le kickstart ou la finance participative, c'est des gens qui ont peut-être pas nécessairement le déboursé. Si dans ça, en affaire, ça coûte cher. Il faut que tu aies quand même un gros cash down, une bonne mise de fonds, des choses comme ça. Fait que c'est là que ça existe un peu pour aider les gens. Mais à ce moment-là, est-ce que le directeur qui aurait voulu faire son film de Veronica Mars puis qui s'est toujours fait refuser par les studios, des choses comme ça, aurait le droit d'aller sur Kickstarter ou Indiegogo? Ce gars-là, il peut aller voir des dentistes aussi. Là. Il pourrait aller voir des femmes, ils veulent payer. C'est une manière c'est une manière de trouver des investisseurs. Mais, exactement. Exemple, mais je pense qu'il y a deux côtés de la médaille par rapport à ça. Du fait que, OK, bon, mettons, si c'est au particulier, comme le gars, justement, tu sais, oui, il doit être millionnaire, puis il veut sûrement pas prendre de sa poche, puis risquer de se mettre en faillite en voulant financer un film. Mais de l'autre côté, si, mettons, ce serait Warner Bros. Qui irait sur fucking Kickstarter, puis qui se partirait un Kickstarter pour financer le cash, parce qu'il dit, hey, pourquoi on le financerait? On a des épais qui vont payer pour notre film. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ben justement, mais si les gens payent. Ben. Ça revient pas à n'importe c'est vrai, quoi. C'est si le monde accepte d'aller le financer. Le monde paye quand même. C'est justement c'est leur là choix, que mais... ça pourrait être le contraire, dans le sens que si Kickstarterait absolument tout, peut-être que le monde se rendrait compte que des films avec genre Mark Wahlberg puis Denzel Washington, là, ou que le monde s'en calisse, puis ils vont pas payer pour ça, puis ils vont dire comme OK, on le fait pas. Puis à la place, on va mettre du budget dans le film de zombies mutants qui se battent contre des crocodiles géants parce que le monde, ils ont payé pour ça, puis c'est ça qu'ils veulent. D'un autre côté aussi, ils pourraient avoir un leverage qu'ils pourraient faire comme « Mais regardez, on le kickstart, puis si vous kickstartez pas, vous l'aurez jamais, votre style de suite de jeux vidéo. » Aussi. Tu sais, ça peut être mais les choses qui sont tu le vois comme t'sais... des menaces, puis du « hold back », genre. Non, mais là, je vois ça des deux côtés. Mais ben, ça peut aller vers là. Mais aussi, il faut se dire que les projets qui fonctionnent, pour l'instant, c'est des produits très internet ça, ou très cool. Culte parce ouais. que il y a pas une petite madame de qui écoute Star Academy puis qui trippe TVA tous les jours qui va aller sur Kickstarter financer l'album de Maxime Landry là, mais d'un autre côté, c'est que Kickstarter vient de faire son entrée au Canada. Fait que c'est sûr qu'avant, les produits canadiens ne pouvaient pas se faire financer par Kickstarter. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du kétan aux États aussi. Ce oui, que je veux dire, c'est non, qu'il c'est y a sûr, des produits... Plus, mais n'importe quoi là-dessus. Il y a eu un film de Final Fantasy il n'y a pas longtemps. Un quoi? Qui s'est retrouvé... Des gens qui voulaient faire un film de Final Fantasy, okay. Puis ça s'est retrouvé sur Kickstarter. Mais d'un autre côté, eux autres, dans leur pitch, c'était « Oui, oui, on a les droits de Square Enix. » Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça a fait? C'est que Square Enix ont fait « Non, non, vous avez pas les droits. » Fait que, dans le fond, ça a été bloqué au départ. Moi, au départ, que ça vient, c'est que c'est quoi que ça prend? Comme là, je vais sur Kickstarter, là, je m'ouvre-tu un compte, là, moi de même, puis no problem, puis dans mes options, il y a comme subvention de quoi, là, donner un d'argent. Il n'y a aucun moyen de fraude, puis en dessous, il y a l'option créer ton propre projet, let's go, à partir ouais, de rien. Mais d'un puis, autre côté, tu as une responsabilité, puis... Mais moi, faut-tu que je sois enregistré? Faut-tu mais que j'aille des noms de compagnie? Faut-tu qu'il y ait de quoi? Ça, parce que... Au départ, c'est un individu, c'est un nom, c'est une personne. Oui, tu peux t'ouvrir un nom de compagnie, peu importe. Mais la seule affaire, c'est que toi, tu fais un contrat avec Amazon, qui est Kickstarter. Ouais. Puis tu t'engages à respecter les clauses. Tu as un business plan à présenter. La seule affaire, c'est que tu le présentes au public. Puis c'est pour ça que ça a pris du temps avant que ça arrive au Canada, parce que les lois commerciales canadiennes et les lois commerciales des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, faire. C'est différent. Il a fallu qu'il l'ajuste. Parce que moi, mais c'est le fait que moi, je peux me dire, là, hey, moi, je vais me partir à un comic book shop qui vend des jeux vidéo ça, dans le coin. Faire là. Ben, tu peux faire ça. Mais tu peux faire ça sans Kickstarter en ce moment. Là. C'est juste qu'il faut physiquement t'aller voir des gens qui ont du cash. Ouais, ouais, mais sur Kickstarter, je parle. Que c'est du monde, facile, là, que mes amis, ils me donneraient toutes 100$. Moi, j'ai le droit, nowhere, j'arrive de même. Bang. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Il y a un projet présentement, il y a un magasin qui sont. Puis je me souviens pas c'est où, j'ai vu l'article sur Kotaku cette semaine. Mais c'est un magasin d'ordinateurs et de jeux rétro qui a eu. Je pense que c'est en Oregon ou quelque chose de même. Il y a eu un ouragan, puis ça a scrappé tout leur inventaire. Fait que tout le magasin, il est scrap, puis tout le kit. Fait qu'eux autres, ils ont parti un Kickstarter, justement, puis c'est au monde, on a besoin de 25 000$ pour garder notre magasin ouvert, sans ça, on perd tout. Puis les gens peuvent donner des dons, des choses comme ça. Ils puis ont dans pas les d'assurance, rewards, c'est ça, c'est ben, ça de même. Là. Deux tiers du monde sur Kotaku, tu voyais dans les articles, c'était ça, c'était « qu'est-ce qu'ils font pas d'assurance? » Ouais. Mais ouais. Ridicule, là. Tu sais, garde, tout revient quand même à ce que... C'est un, moi, je vois ça un peu comme les dragons. Le gars, il se présente, puis « hey, salut, exactement vous avez de l'argent, ça, vous ouais. autres? » Moi, j'ai tel concept, tu t'inquiètes. OK, la seule affaire, c'est qu'au lieu d'être quatre personnes millionnaires qui donnent des millions ou des 100 000$ de même, ben c'est peut-être 1 million de personnes qui donnent une pièce. Mais en bout de ligne, si tu décides de financer ce monde-là, tu as décidé de plein gré de leur donner de l'argent. Ouais. La seule condition, par contre, c'est qu'il faut qu'ils livrent la marchandise. Kickstarter, c'est tu as un deadline, fait qu'il faut que tu aies un échéancier. Autrement dit, moi, en décembre 2014, tout est fait. Voici combien ça va coûter, puis si tu me donnes tel argent, faut que ça soit fait. Fait que c'est ça, Kickstarter. Y a-tu des lois sur Kickstarter dans le sens de... Si tu demandes 50 000, ça peut pas être plus que 3 mois de deadline. Il n'y a pas de loi là-dessus. Par contre, tu vois, regarde, j'ai. Fait que moi, je pourrais présenter un plan d'affaires incroyable. Il y a des lois sur les projets. Je présente un plan d'affaires incroyable de je sais pas quoi, là. Puis je me dis, moi, là, ça me prend 2 millions, là. Puis je peux partir ma business, là. Ouais. Puis là, ça me prend quelque chose comme bien moins que ça. Mais vu que j'ai pas personne, j'ai pas de building, j'ai pas de staff, j'ai rien. Puis que n'importe quel. Excusez le terme, cave avec 2 millions pourrait partir une business en achetant de quoi, là, tu sais. Tout le monde, tu sais, t'arrives, t'achètes un McDo, là, tu sais, exemple, là. Moi, je dis, hey, moi, je kickstart pour 3 millions, là. Regarde, je veux m'acheter une franchise McDo. Ce que tu dis, Joe, pis ça a du sens, puis ça, c'est une des failles de Kickstarter, effectivement, c'est que n'importe qui peut financer. Fait que c'est sûr qu'un analyste financier va dire, hey, tapeur, lui, il demande 700 000, mais ça en réalité, pas c'est pas 700 000, c'est 300. Mais c'est là que c'est une faille du financement participatif. Par contre, la tendance va souvent faire que si on donne, mettons, on prend par exemple Zombicide qui était sur Kickstarter. Eux, j'ai qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai un ami qui a financé que... beaucoup Zombicide, justement. Ben, là, pour 350$ de Kickstarter. Puis il va avoir pour une valeur de 700$ de stock. Exactement. Des nouveaux bonhommes exclusifs, des cossins. Ce qui arrive, c'est que ces gens-là, quand ils vont soumettre leur projet, c'est quand souvent ils vont buster le budget, ils vont commencer à rajouter du stock. Ouais. Autrement dit, je donne Shadowrun Returns. Eux autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils disaient, on va vous faire une campagne. Mais ils ont tellement ramassé de cash, ils ont dit, ben regarde, on va vous le livrer avec une campagne, mais en dedans de, je pense, c'était 6 mois additionnels, vous allez avoir une deuxième campagne avec le jeu gratuitement. Ça, c'est tous cool. Ceux qui ont backé le jeu. Fait que, tu sais, ça aide beaucoup. Puis c'est sûr et certain que la législation est que si tu livres pas dans les temps, ben à ce moment-là, Amazon s'en mêle. On prend par exemple, j'ai Sébastien Poupard sur Twitter qui nous a écrit que lui, il avait financé le Embrace Plus, qui est un genre de bracelet coloré. Ça ressemble à un glow stick. C'est okay. Bizarre un peu, mais il flash tout dépendant ce que les notifications. Fait que, mettons, tu reçois un message texte, le bracelet va flasher vert. Mettons, tu reçois un email, va flasher rouge. Mettons que tu as un appel manqué, va flasher bleu ou des choses comme ça. Ça avait l'air quand même le fun. Lui, il a financé ça. Il avait prévu de livrer en début juillet, mais là, maintenant, ils sont rendus en fin septembre. Mais à ce moment-là, regarde, il y a eu un délai de production. Mais s'il dépasse fin septembre à ce moment-là, puis ils commencent à mettre des délais par-dessus délais, ben là, les gens qui vont en Kickstarter peuvent se plaindre d'Amazon et Amazon va aller chercher le développeur et dire, regarde, moi, je t'ai financé légalement. Toi, tu livres pas. Back-toi en cours, mon homme, parce qu'on s'en va te chercher. Puis c'est un peu des downsides parce que l'attrait de Kickstarter ou de la finance participative, c'est que n'importe qui se dit, hey, moi, je me lance en affaires, je pars un film, moi, je fais un produit, je fais... Mais faut que tu sois quand même logique parce que c'est la même affaire qu'une banque. T'en prends de l'argent, tu livres pas en marchandise, quelqu'un vient te collecter par après. C'est une banque avec des mille de bois. Mais moi, je veux savoir une chose. admettons que tu dis, bon, c'est facile d'ouvrir un compte, tout ça, puis se partir quelque chose sur Kickstarter. Mais admettons que moi, je rentre n'importe quelle information, n'importe quelle boboche, puis je suis juste récolté le cash, puis ben, je me pousse. Merci, bonsoir. Ben, t'as les avocats d'Amazon qui vont venir te chercher. Ouais, mais très s'ils n'ont pas mes informations. Ouais, mais ça non, arrive. Mais c'est vérifié, ça. Là. OK, mais c'est ça, c'est parce que ça, l'argent. Vérifié, ouais, mais il y a un compte de banque, même associé, puis effectivement, des numéros enregistrés. C'est comme PayPal. Essaye de frauder PayPal. Ouais, bon, mais c'est ça, je veux savoir s'il y avait des affaires associées. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des fraudeurs. Mais il y a des concerts en ce moment avec les gars qui ont organisé les concerts. Il va avoir des calices au début. Il va toujours avoir de la fraude, mais c'est très safe parce que peu importe qui t'es, vu qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a une institution financière en arrière de ça. Fait que tu sais, c'est pas comme si tu trouves un casier postal, puis là, un moment donné, mais tu reçois une boîte d'Amazon.ca avec des piles de billes de vin dedans, puis là, Lendigo va financer ton projet. Tu sais, il y a des chèques, il y a des suivis, il y a des mais choses c'est comme de savoir, ça. C'est juste de savoir, c'est connecté par une banque, tout ça, puis c'est vraiment bien surveillé. Là, ben moi, c'est là la validité des affaires, dans le sens que j'ai rien contre une compagnie qui veut se backer le cul, excusez, là, en disant. Je vais pas en produire trop parce que je vais perdre de l'argent ou je veux pas perdre parce qu'il y a du monde qui vont chialer qui n'ont pas. Comme Zombicide, je prends comme exemple, qui a été kickstarté, puis le monde a essayé de trouver ça en magasin, là, c'est impossible. En là. Fait, tu peux en trouver dans tous les bons Archambault. C'est tough, pareil. C'est rare que t'arrives, je trouve, puis qu'il en a encore en stock. Il y en a présentement, parce que je n'ai trouvé un, justement, puis j'étais bien content d'en trouver moi, un. Moi, je l'ai trouvé un il y a pas longtemps, puis je t'ai retourné deux jours après pour le fun avec. J'étais pas sûr si je le voulais, mais il était plus là, puis j'étais comme fuck, c'était un magasin de jouets d'enfants. Puis ce qui est triste là-dedans en plus, puis Zombicide, tu vois, regarde, moi, je viens d'embarquer là-dedans. Puis ce que j'ai vu dans Kickstarter, puis ce qui est triste, c'est qu'ils ont des figurines exclusives. T'as kickstarté le projet, là, ben t'as mettons une figurine de Chuck Norris ou de Danny Trejo, quelque chose de même, mais que t'auras pas dans la boîte si tu l'as pas kickstarté. Là. Non, tu peux pas. Mais avec ça aussi, je dis ça de même pour ceux qui jouent à tous les vendredis, je pense, ils mettent une nouvelle. Il y a comme un concours hebdomadaire là, que le monde envoie leur mission qu'ils ont écrit eux-mêmes. Puis ils feed à tout le monde, eux autres ils vérifient, ils essayent. Ouais, ils ont créé quelque chose. Mais ça, c'est cool pour ça parce que des jeux de même n'existeraient pas parce que personne des grosses compagnies backerait le projet. Mais là, ils montrent qu'il y a de l'intérêt. C'est le futur de l'investissement. Ben, tu parles du futur, Eric, puis justement, moi je vais avoir mon opinion là-dessus. Pensez-vous là, que ce modèle d'affaires-là, puis là présentement, c'est très à la mode, c'est très le fun, puis n'importe qui se lance là-dedans. Ça va-tu avoir une influence? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir encore en 2015, en 2016, en 2020? Oui. Non, mais d'un, ça existe déjà. Ben, mais c'est ça. Ça fait des années que ça existe. De plus en plus. On vient juste d'upgrader la pré-vente. C'est ça. Moi, je vois ça de même. Upgrader le financement aussi, le financement général. Oui, mais c'est ma pré-vente. C'est le comme, marché public. Hey, si vous faites un film qui parle de requins zombies, tu sais, gars, je nique, il me donne son 20 tout de suite, là. Plus que ça. C'est ça, là, tu sais, il va me donner 50 pour avoir la Collector Edition. Je te donne un rein. Mais pensez-vous qu'à la limite, c'est une manière de passer un peu, de tasser le commerçant puis de passer directement? Parce qu'on regarde, mettons, moi, je finance un jeu, il me le livre directement. Là, je prends Shadowrun Return, c'est passé par Steam. Je vois pas ça comme tasser commerçant, le commerçant. C'est sûr que le distributeur, celui qui fait le jeu, sauve de l'argent. Il n'y a pas le choix. Boutique, là, t'sais. Fait que lui, il se met tout dans les poches. C'est ça que moi, je dis, bon, OK, c'est... une belle façon, puis comme tu dis, oui, c'est tu donnes volontairement, puis si tu donnes, c'est ton problème. Mais c'est de l'autre côté, moi, il y a des choses qui, justement, tout dépendant, c'est qui demande l'argent, mais que je serais comme, excuse-toi, dans la vie, t'as pas besoin de mon argent, t'es capable de le faire toi-même, puis tu veux juste t'en mettre dans les poches. Désolé. Il y en a d'autres que le gars, c'est un random gars, puis il invente quelque chose, puis mais il y a une seul, idée il y a rien, génie, puis une idée là. De génie. Là, je vais être prêt à donner de l'argent. Mais donc, ce que vous dites en gros, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine responsabilité en tant que consommateur. Oui, ben, c'est vraiment dit. Il faut vérifier. Puis, à la limite, le consommateur, Eric, ton point est super pertinent. Le consommateur devient un investisseur. C'est la personne qui décide. Aussi, il faut se dire que les achats en ligne, puis j'imagine encore plus le kickstarting, là, comme l'achat en ligne seulement, c'est comme 10% des ventes. Là. De la majorité des produits qui se retrouvent en magasin. C'est un monstre qui est non seulement ce qui parle de ton produit, mais il market. Ouais, mais puis une fois que tu as un investissement de même, imagine là, tu le vends. 10% des ventes de quelque chose se fait en ligne comparé à encore 90% qui se fait en magasin. Mais c'est ça que je dis. Que, ouais, le 10%, il y a un pouvoir d'influencer. Oui, il y a l'influence, mais que je veux dire, moi, c'est qu'imagine le potentiel de vente sur quelque chose quand que juste le Kickstarter. Il y a du monde qui savait fou puis qui investit des affaires de même. Si un moment donné, ça se répand puis ça devient encore plus mainstream, ça peut juste être encore plus gros parce qu'il y a encore 90% et plus Parce que pas parce que tu achètes en ligne que tu kickstartes des affaires. Là. Moi, j'achète en ligne puis je kickstarte rien. Fait que j'imagine que c'est 1% de ce 10%-là là, qui kickstarte des affaires. Fait qu'imagine quand que ça va être mainstream dans une couple d'années, que ça va c'est déjà mainstream. Moi, je veux savoir quelque chose, je suis curieuse. C'est pas mainstream. La technique de donner du cash oui. pour faire un produit, puis peut-être ça marche. Mais le concept accessible de le faire de oui, même, mais c'est ça, ne ça l'est juste pas. Transférer fait que ça dans accessible. 2-3 ans, la matante, elle va investir. Moi, je veux savoir, admettons que. Je voulais juste dire ça. Oui, Mélanie. Tout ça pour faire une... pas... Messieurs, la phrase choc. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire. Enfin, moi, je suis pas là, je parle un peu. Je veux savoir, mettons que, bon, il y a un produit qui s'offre, tout ça, puis est-ce que, comme, mettons, comme récompense d'investissement, admettons, ben, si tu donnes 50 000 à mon projet, je te donne des parts de mon projet. Est-ce que ça s'est fait sur. Ouais, ça, j'aimerais ça. Est-ce que ça s'est fait sur Kickstarter? Ce que j'ai vu le plus souvent, ça va être pour les grosses sommes. Mettons, je donne un exemple dans un jeu, puis ce qui est encore plus attrayant pour moi, si j'aurais cet argent-là. Mais je donne un exemple, mettons, Zombicide. La personne qui donnait le maximum d'argent, ben, t'as ta figurine à ton effigie dans le jeu, ou tu es dans le jeu immortalisé, ou des choses comme ça. Ou les gens vont faire. C'est du bragging ben, regarde, rights. Tu viens au studio au lancement, on fait un party avec tout le staff, mais t'es un des 5 investisseurs principaux. Tu t'en viens au studio, on t'invite, on te paye la traite, ou des choses comme ça. J'ai pas vu des parts de compagnie comme récompense à date. Mais par contre, j'ai vu des affaires que, hey, regarde, on s'entend là. Le jeu sort, c'est un gros jeu, il a été financé. T'es un des personnages dedans, non, t'es immortalisé cool. dans le jeu à non, mais vie. C'est quasiment comme si c'est une compagnie publique. Exactement. Comme si tu deviens une compagnie publique, mais sans tout le contrôle que tu peux perdre quand tu vas sur les bourses. C'est plus les commentaires qui vont être plus stressants que... Selon vous, là, le plus gros Kickstarter à date, c'est quoi? Mais moi, je pensais que c'était Star Citizen. Ben, aucune idée. Non, c'est gros, toi qui a dit ça tantôt. Moi, plus gros dans le sens qu'il a ramassé le plus de cash en général ou qu'il demandait par rapport à ce qu'il y a eu? Ben, écoutez, le plus Double gros five. En cash. Double peut-être, five, peut-être l'Angry Video Game Nerd, peut-être aucune que. Idée, ouais, Angry Video. Non, je sais que c'est pas lui le plus gros, mais non, il mais doit y a être eu dans beaucoup, le top. Lui, là. Quand même. Si on se limite à Kickstarter, effectivement, ça va être Double Fine. Mais par contre, si on se limite à la finance participative, donc peu importe c'est la quoi le Double Fine qui parle? Double Fine. Le c'est... jeu de Double Fine, là, Tim Schafer. Ah, oh, ok. Le jeu d'aventure, là, 15$. Puis qui ont dû doubler. On n'a pas parlé de mais les autres, ils ont même annoncé, après avoir su 3-4 fois qu'est-ce qu'ils ont demandé, dire on a besoin de plus de cash. Le jeu qui en a plus. Eu le plus de financement pour la finance participative, t'avais raison, Eric, c'est Star Citizen. Non, c'est toi qui l'as dit. Il a ramassé combien, selon vous, à date? 6 millions. Je dis n'importe quoi. 6 millions. Je sais pas, là. 2.3. Ok, on y va avec les règles. Right. Price is right. Okay. 3.7, 6 millions. 1$. Je t'ai battu. 6$. 2.3. Milter est le plus proche. Millions, donc, ouais. tu gagnes le showcase. Yeah. En fait, ils ont ramassé par le billet de Kickstarter 2 134 000. Ben, j'étais allé over. Excuse-moi, fait. C'est moi qui étais proche. J'ai dit 2.3 puis il a dit 6 millions. Mais par contre. Barker, là, what mais the fuck. Par contre. Mais la prends ça au sérieux. Moi, je vais la voir sur Price is Right. Moi, j'étais over, fait que faut qu'il y ait. Mais par contre, par l'entremise de leur site. Donc, c'est 2 134 000 par Kickstarter, mais c'est 6 238 000 par leur site. Soit une somme totale de 8 298 $. Go, Chris Roberts. Mais c'est le 3 de Kickstarter prend genre 10-20% là-dessus. Environ, je mais... sais qu'ils prennent une cote, je sais pas c'est quoi la cote, mais je sais 10% de 3 millions, what the fuck? Ouais. Pour le transfert de fichiers achetés. Ça lui a permis de monter sa propre plateforme. Le réseau social app.net a monté sa propre plateforme avant de se lancer. Donc, autrement dit, là, par les gens croient tellement au produit Star Citizen qu'on a donné 8 298 000 $ à cette personne-là pour qu'il fasse évoluer. Puis cette personne-là, ben, est en train de développer son jeu, des choses comme ça. Ben, tu fais chez lui en pantoufles avec des filles en bikini, puis de la bouse. Non, mais ça va être big, là, parce que c'est... Man, c'est du space trade, space combat. Tu vas être ouvert à faire qu'est-ce que tu veux. Il y a là-dedans. Aussi, on n'a pas parlé aussi non plus de Kickstarter. Il doit y avoir des gens qui font comme sur Indiegogo. Moi, j'ai un couple d'amis que je connais. Leurs filles ont une maladie orpheline. Il y a juste environ 35 cas de répertoriés dans le monde. Puis eux, ils ont fait un Indiegogo. En passant, si vous voulez faire des dons, ils n'ont plus d'Indiegogo, mais ils ont un site web. C'est pour Léonie. Pour Léonie.com, en passant chez Mless Plug, excusez-moi. Ah, j'ai vu ça passer dans mon Facebook, ça devait être toi, ouais. Ouais, ça doit être moi. Donc, si vous voulez faire un don, vous êtes la bienvenue via PayPal. Mais eux, ils ont fait un Indiegogo. C'est la seule disponible dans le temps parce que justement, Kickstarter n'était pas encore là. Puis bon, c'est ça. Alors, ils expliquaient la maladie de leur enfant, puis tout ça. Puis eux, ils offraient justement des récompenses par rapport, bon, ben 10$, merci beaucoup. 30$, ils recevaient un calendrier qu'ils avaient fait justement pour ramasser les dons pour Léonie. Puis à 250$, ils offraient un photoshoot de photos parce qu'ils font aussi de la photographie. C'est un couple... Ils font une petite compagnie de photographie aussi. Puis, ils offrent un photoshoot gratuit en échange. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de, aussi de cas comme ça, de personnes avec des maladies? C'est sûr que ça... Des causes. En fait, c'est un peu le Far West. La finance participative, c'est un peu le Far West présentement. Pire parce que le podcasting. C'est pire que le podcasting. Mais il y a des gens qui vont arriver. Imagine puis sur Mix on a un projet, on a des choses à réaliser. On va avoir des récompenses. Puis c'est vraiment, c'est l'utilisateur qui va faire la différence. Fait que c'est sûr et certain, si on a englobé tout ce sujet-là, peu importe le projet, peu importe la plateforme, Kickstarter vient de faire son entrée au Canada. L'important, c'est de regarder les projets, de voir, aller regarder sur Kickstarter, Indiegogo, les choses comme ça. Il y a un paquet de trucs vraiment intéressants. Vous avez l'opportunité d'acheter des choses en précommande, comme Milton a mentionné. Non, pré-précommande. En pré-précommande, c'est pardon. C'est avant pré-fabrication. C'est pour ça que je dis ça. Là. C'est plus... C'est comme mais une vous avez de l'opportunité marché. De vous acheter des choses c'est, avant. C'est une étude de marché financée. Nick, ben moi, vous me connaissez ouais. quand même. Bon. Puis je vais vous parler de projet Kickstarter douteux. Oh, ouais. Ok, hey, t'as peur ça, faut. Je n'ai, moi. Mais je suis tombé sur un Kickstarter qui s'appelle Tentacle Bento. Bento? Ils disent Bento, que c'est le. Boîte à linge japonais. The first rape card game. C'est comme un jeu comme les cartes Pokémon, mais. Avec du viol. Tentacle porn, ceux qui sont familiers avec le tentacle porn. Ça m'intéresse. Oh c'est, est-ce que... c'est quand qu'on se part une game, Nick? Ils ont ramassé l'argent. Ils ont ramassé 30 000$ avant de se faire comme couper parce qu'ils trouvaient que le projet était trop weird. Mais ils ont quand même ramassé, ils ont ramassé 30 000$ avant de se faire bannir. 30 000 dévergondés vicieux. Mais ma vraie question, c'est combien est-ce que Jean-François Harrison a financé? Ça, je sais pas. OK. Puis, référence qui me il y a un autre projet, ils ont ramassé, il y a quelqu'un qui a ramassé quand même 10 500$ pour construire un robot serpent de 50 pieds. Il a quand même ramassé 10 500$ pour son mais fond, moi, je dis... Je trouve ça louche, comme je disais tantôt, là, il y a des filles qui font du cosplay, qui se partent des Kickstarter, genre, je veux 5 000$ pour une amie qui a le cancer ou quelque chose mais de ça, même. Mais c'est puis, louche. C'est mais je trouve ça louche aussi, mais le gars qui veut un robot serpent aussi, c'est un peu louche. Mais s'il fait avec le 10 000$, il devrait laisser le gars avoir son 10 000 pour le faire. Il s'appelle le Titano Boa. Titano, est-ce que c'est carré? The robot snake that can kill you. Wow. Ok. Ça doit être juste pour ça, vu que c'est marqué that can kill you, ils se sont dit non, c'est pour faire une arme, peut-être, ou c'est pour peut-être. Faire. Fait qu'ils n'ont pas ben trippé eux, là-dessus. Eux, c'était pas écrit que le projet avait été comme arrêté. Les cartes de tentacules, oui. Okay, ouais. Fait que dans le fond, ce qu'on essaie de dire, c'est que vous soyez Nick puis vous aimez les choses douteuses, que vous aimez les jeux, les films, les gadgets, peu importe. Tout. Tout le monde trouve quelque chose à financer via un Kickstarter, via la finance participative, que ce soit une cause pour un enfant malade, que ce soit un produit, un jeu. On vous invite à aller zioter les sites Indiegogo, Kickstarter. On va mettre les liens sur la page Facebook. On vous remercie d'être avec nous semaine après semaine. Nous sommes le Geek Collectif. On va être de retour dans 2 semaines, malgré que la semaine prochaine, ça va être la manette dorée. Oui. Où Milter va nous parler de son expérience avec Life Aquatic. Oui. Mon nom est André Paquette. Vous pouvez me suivre via Twitter au @uzumakiqc. Envoyez-nous vos commentaires. Allez sur la page Facebook, facebook.com/geekcollectif, le podcast. @geekcollectif sur Twitter. Sinon, au courriel podcast@geekcollectif.com. Google Plus. Shout out à Yann Filion. Réseau social. Ça marche comment ce Google Plus? Ben, t'écris Geek Collectif, le podcast. Ouais. Pis je commençais à être intéressé dans Google Plus, puis là, après ça, Facebook est devenu comme Google Plus. Fait que je ouais, là, il y a des hashtags partout. Éric, comment on fait pour interagir avec toi? Éric Hébert, mais à Montréalien, Montréal, I-E-N, pas mal partout, Facebook, Twitter, N4G. Excellent. Milter? Facebook, c'est mon nom. Puis Twitter, Zombie Milter. Bientôt sur Kickstarter, suivez mes projets que je vais ramasser. On a bien hâte de voir ça. Ouais, je me parle de quoi, je vais aller zioter ça plus. Mélanie! Vous pouvez me suivre sur Twitter, La Grande Geek G33K sur Twitter. Je suis là et sinon, je suis très active sur Instagram. Etherian, je crois. Etherian, E-T-H-E-R-I-A-N-E. C'est quoi ça veut dire? Venez me stalker, venez voir des photos, mais s'il vous plaît, votre commentaire déplacé. Merci. Excellent. Toi, Nick, à part te trouver sur des pages Spotted, on parle comment avec toi? On me trouve sur Facebook sous mon nom, Nicolas Denamé, sur tous les Spotted du Québec. Ainsi que sur Twitter à Johnny_tabarnak avec un. Sérieux, Nick, je te suggère le Spotted Suis-je normal? Je le connais pas encore. Non, je t'ai vu que tu le likais pas, puis je voulais te le suggérer. Donc, encore une fois, on vous invite à venir avec nous au broadcast qui va être le 13 août à 10h sur le bar Passage sur Rachel. Merci beaucoup à tous. Ouais. Merci d'être avec nous et on se revoit super. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao. Ciao. Bye.